Mesdames, Messieurs, le service des transmissions extérieures de la radiodiffusion française vous présente ce soir à partir du théâtre Marigny les fausses confidences de Marivaux. Monsieur Paul Abran, à qui je cède le micro, va vous présenter la pièce. Je présume que si, au séjour tranquille des Champs-Élysées où il voit converser avec Racine et Porte-Riche, tandis qu'autour d'eux, immatériels, souriantes ou douloureuses, flottent les âmes de Germaine Feriot, de Sylvia et de Bérénice, arrivent jusqu'à Marivaux les éclos de notre monde tangible, sa surprise doit être grande de connaître que sa comédie Les Fausses Confidences se joue presque en série devant des salles bondées et conquises. Rien de son vivant ne pouvait lui faire augurer un pareil événement. Accueillies sans très grande faveur, ses pièces tombèrent bientôt, sinon dans l'oubli, du moins dans l'indifférence, malgré que Sylvia et Araminte fussent dès 1800 interprétées par Mademoiselle Conta, dont l'élégance et l'art de bien dire étaient célèbres. Ce fut à Mademoiselle Marthe que revint l'heureux privilège de faire participer le théâtre en y jouant plus souvent du Marivaux, à l'engouement qui, peu à peu, portait le public vers le XVIIIe siècle, vers Watteau, vers l'Ancré, vers le style Pompadour. Les romantiques y aidèrent lorsque Théophile Gautier, soulignant en Marivaux la même veine romanesque que Shakespeare avait rencontrée dans la littérature italienne et qui donne aux escarmouches de l'esprit et du cœur dans le jeu de l'amour des traits analogues à ceux du songe une nuit d'été ou de Comme il vous plaira. Enfin, la mise à la scène et le succès des comédies de Musset, au lieu de ternir comme on eût pu le craindre à Gouarn-Marivaux, en a divers l'éclat. Cependant, devant la réussite actuelle des Fausses Confidences, il faut bien remarquer que 200 ans après leur création, la comédie française n'affichait le 24 mai 1945 que leur 474e représentation. Or, le circuit officiel la présenta avec un soin éclairé pour que le public s'avisa de son éternelle jeunesse et qu'elle rencontra la même fortune qui accueillit l'école des femmes chez Jouvet. Sur le sens des œuvres de Marivaux et la manière d'interpréter ses personnages, quelle n'a pas été l'abondance de l'exégèse. Pourtant, sur l'un comme sur l'autre, ne s'est-il pas lui-même expliqué. Chez tous mes confrères, a-t-il écrit, l'amour est en querelle avec tout ce qui l'environne et finit par être heureux malgré les opposants. Chez moi, il n'est en querelle qu'avec lui seul et finit par être heureux malgré lui. J'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer. Et chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ses niches. C'est tantôt un amour ignoré des deux amants, tantôt un amour qu'ils sentent et qu'ils veulent se cacher l'un à l'autre, tantôt un amour timide et qui n'ose se déclarer, tantôt un amour incertain et comme indécis, un amour à dominer pour ainsi dire, dont ils se doutent sans en être bien sûrs et qu'ils épient en dedans d'eux-mêmes avant de lui laisser prendre l'essor. Voici quels seront les personnages et interprètes des Fausses Confidences de Marivaux. Araminte, Madeleine Renaud. Dorante, Jean de Sailly. Monsieur Rémy, André Bruneau. Madame Argante, Marthe Régnier. Arlequin, Jean-Pierre Grandval. Dubois, Jean-Louis Barrault. Marton, Simone Valère. Lecomte, Régis Hutin. Un domestique, Arsène Grandcourt. Un garçon joaillier, Gabriel Gattan. C'est monsieur René Rousseau qui fera les commentaires des Fausses Confidences. Mesdames, Messieurs, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, installés depuis peu au Théâtre Marigny, n'ont pas voulu commencer leur saison en faisant un pied de nez au Théâtre Classique, dont ils continuent, bien que transfuges de la Comédie Française, à être les fervents serviteurs. Et c'est une des fleurs les plus ravissantes de ce théâtre qu'ils ont, pour notre grande joie, transplanté en plein cœur des Champs-Élysées, cueillie dans le jardin de Marivaux, la Pournon, les Fausses Confidences. Au cours de cette retransmission, les interventions seront rares, pour ne pas dire inexistantes. En effet, Jean-Louis Barrault a volontairement imprimé un rythme si vif à la pièce qu'entre chacun des trois actes, les précipités ne dureront pas plus de 30 secondes. D'autre part, les entrées et les sorties se feront avec une telle célérité, à la manière des comédies italiennes dont Jean-Louis Barrault se réclame, qu'il me sera impossible la plupart du temps de l'indiquer. Mais vous vous en réjouirez, vous apprécierez ainsi d'autant mieux le texte de Marivaux. Ce que vous ne pourrez pas voir, hélas, c'est d'une part le décor unique de la pièce, sorte de jardin d'hiver, où le blanc des meubles satinés, des consoles, des petits bureaux, des vantaux, des sièges, le disputent à l'or des arbres qui forment le fond du décor. Et d'autre part, les costumes ravissants des comédiens. Toutes les teintes sont rassemblées dans ces costumes, mais si pastellisées qu'elles rejoignent savamment la fiction. Satin blanc, rose ou bleu pâle, ou jaune bouton d'or, rouge des robes ou verbillard des redingotes, c'est une féerie qui ne heurte jamais le regard. Ce n'est pas là un des moindres plaisirs que nous goûtons en écoutant les Fausses Confidences. Un mot encore sur le public qui se presse nombreux au guichet. et qui souvent s'en retourne dépité sans avoir eu la moindre petite chaise, tant il est vrai qu'une personnalité comme Jean-Louis Barrault ne laisse jamais indifférent le public de la capitale, qui reste toujours le meilleur du monde. Le rideau va se lever dans une seconde. Arlequin introduira Dorange. Un instant après, Dubois, quand Dorange sera seul, entrera avec un air de mystère. Puis, dès que Dubois sera sorti, M. Rémy arrivera, à son tour, pour converser avec son neveu. Chez madame, il ne tardera pas à descendre. Je vous suis obligé. Si vous voulez, je vous tiendrai compagnie, le soir que l'ennui ne vous prenne. Nous discourrons en attendant. Je vous remercie, ce n'est pas la peine, ne vous détournez plus. Oh, voyez, monsieur, ne faites point de façon, nous avons hors de madame Détronet. Et vous êtes témoin, je le suis. Mais non, vous dites, je serais bien aise d'être un moment seul. Oh, excusez, monsieur. Et restez à votre fantaisie. Te voilà. Oui, je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici et qui voulait absolument me désennuyer en restant. Dis-moi, monsieur Rémy n'est donc pas encore venu? Non, mais voici l'heure à peu près qu'il vous a dit qu'il arriverait. N'y a-t-il là personne qui nous voit ensemble? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connais. Je ne vois personne. Vous n'avez rien dit de notre projet à monsieur Rémy, votre parent? Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde en qualité d'intendant à cette dame-ci dont je lui ai parlé et dont il se trouve le procureur. Il ne sait point du tout que c'est toi qui m'as adressé à lui. Il l'a présente hier. Il m'a dit que je me rendisse ce matin ici, et qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi, ou que, s'il n'y était pas encore, je demandasse une mademoiselle Marton. Voilà tout, et je n'aurais garde de lui confier notre projet non plus qu'à personne. Il me paraît extravagant à moi, qui m'y prête. Je n'en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté, Dubois. Tu m'as servi, je n'ai pu te garder, je n'ai pu même te bien récompenser de ton zèle, et malgré cela, il t'est venu dans l'esprit de me faire ma fortune. En vérité, il n'est point de reconnaissance que je ne te dois. Laissons cela, monsieur. Tenez, en un mot, je suis content de vous. Vous m'avez toujours plu, vous êtes un excellent homme, un homme que j'aime, et si j'avais bien de l'argent, il serait encore à votre service. Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi? Ma fortune sera la tienne. Mais je n'attends rien de notre entreprise que la honte d'être renvoyé de même. Eh bien, vous vous en retournerez. Mais cette femme-ci a un rang dans le monde. Elle est liée avec tout ce qu'il y a de mieux. Veuve d'un mari qui avait une grande charge dans les finances. Et tu crois qu'elle fera quelque attention à moi? Que je l'épouserai, moi qui ne suis rien, moi qui n'ai point de bien. Point de bien? Mais votre bonne mine est un pérou. Tournez-vous un peu que je vous considère encore. Mais non, monsieur, vous vous moquez. Il n'y a pas de plus grand seigneur que vous à Paris. Voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles. Et notre affaire est infaillible, absolument infaillible. Tenez, il me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame. Quelle chimère! Eh oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et vos équipages sont sous l'armée. Elle a plus de 50 000 livres de rente, Dubois. J'en avais bien 60 pour le moins. Et tu me dis qu'elle est extrêmement raisonnable? Tant mieux pour vous et tant pis pour elle. Si vous lui plaisez, elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible qu'elle ne pourra se soutenir. Qu'en épousant, vous m'en direz des nouvelles. Vous l'avez vu et vous l'aimez. Je l'aime avec passion et c'est ce qui fait que je tremble. Oh, vous m'impatientez avec vos terreurs. Est-ce que Dieu entre un peu de confiance? Vous réussirez, vous dites. Je le veux, je m'en charge. Je l'ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions, toutes nos mesures sont prises. Je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais vos mérites, je sais mes talents, je vous conduis. Et on vous aimera, toute raisonnable qu'on est. Et on vous épousera, toute fière qu'on est. Et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes, entendez-vous? Fierté, raison, richesse, il faudra que tout se rende. Quand l'amour parle, il est le maître, et il parlera. Adieu, je vous prie. Oh, j'entends quelqu'un, c'est peut-être monsieur Rémy. Nous voilà embarqués, poursuivons. À propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi nous ferons le reste. Bonjour, mon neveu. Bien aise de vous voir, Isaac. Mademoiselle Marton va venir, on est allé l'avertir. La connaissez-vous? Non, monsieur, pourquoi me le demandez-vous? C'est convenant ici, j'ai rêvé à une chose. Elle est jolie, mon neveu. Je le crois. Et de fort bonne famille. C'est moi qui ai succédé à son père. Il était fort ami du beau. On m'a un peu dérangé. Sa fille est restée sans bien. La dame d'ici a voulu la voir. Elle l'aime, la traite bien moins en suivant qu'en ami, lui fait beaucoup de bien, lui reprend encore et a offert même de la marier. Marton a d'ailleurs une vieille parente asthmatique dont elle hérite et qui est à son aise. Vous allez être tous deux dans la même maison. Je suis d'avis que vous l'épousiez. Qu'en dites-vous? Ah, mais c'est que je ne pensais pas à elle. Eh bien, je vous avais affiché d'y penser. Vous n'avez rien, mon neveu. Je dis rien qu'un peu d'espérance. Vous êtes pour l'héritier, mais je me porte bien. Et je préjurerai ça le plus longtemps que je pourrai, sans compter que je puis me marier. J'en ai point d'envie, mais Cette envie-là vient tout d'un coup, il y a 30 000 lois qui vous la donnent. Avec une femme, on a des enfants, c'est la coutume, auquel cas, serviteur au collatéral, ainsi mon neveu. Prenez toutes vos petites précautions et vous mettez en état de vous passer de mon bien que je vous destine aujourd'hui et que je vous ôterai demain, peut-être. Vous avez raison, monsieur, et c'est aussi à quoi je vais travailler. Je vous y exempte. Voici mademoiselle Marton, éloignez-vous de deux pas pour me donner le temps de lui demander comment elle vous trouve. Je suis fâchée d'avoir fait attendre, mais je vous en prie, madame. Il n'y a pas grand mal, mademoiselle, j'arrive. Que pensez-vous de ce grand garçon-là? Et par quelle raison, monsieur Rémy, faut-il que je vous le dise? C'est qu'il est mon neveu. Eh bien, ce neveu-là est bon à montrer. Il ne départ pas la famille. Tout bon, c'est lui dont j'ai parlé à madame pour intendant. Et je suis charmé qu'il vous revienne. Il vous a déjà vu plus d'une fois chez moi quand vous y êtes venu. Vous en souvenez-vous? Non, j'en ai point d'idée. On ne prend pas garde à tout. Savez-vous ce qu'il me dit? La première fois qu'il vous vit. Quelle est cette jolie fille-là? Approchez, mon neveu. Mademoiselle, votre père et le sien s'aimaient beaucoup. Pourquoi les enfants ne s'aimeraient-ils pas? Alors, ici, à qui ne demande pas mieux, c'est un cœur qui se présente bien. Il n'y a rien là de difficile à croire. Voyez, voyez comme il vous regarde. Vous ne feriez pas la une si mauvaise emplette. J'en suis persuadé. Monsieur prévient en sa faveur et il faudra voir. Ah, bah bon, il faudra voir. Je ne m'en dirai pas que ça ne soit vu. Oh, je craindrais d'aller trop vite. Mais vous importunez, mademoiselle, monsieur. Je n'ai pourtant pas l'air si indocile. Ah, je suis content, vous voilà d'accord. À ça, mes enfants, je vous fiance. En attendant mieux, je ne serai resté, je reviendrai tantôt. Je vous laisse le soin de présenter votre futur à madame. Adieu, ma nièce. Adieu donc, mon nom. En vérité, tout ceci a l'air d'un songe. Oh, comme monsieur Rémy expédie. Votre amour me paraît bien prompt. Sera-t-il aussi durable? Autant l'un que l'autre, mademoiselle. Oui, c'est trop hâtif de partir. J'attends madame qui vient. Et comme grâce aux arrangements de monsieur Rémy, vos intérêts sont presque les miens, ayez la bonté d'aller un moment sur la terrasse afin que je la prévienne. Volontiers, mademoiselle. Oh, j'admire ce penchant dont on se prend tout d'un coup l'un pour l'autre. Martin, qu'est-ce que c'est que cet homme qui vient me saluer si gracieusement et qui passe sur la terrasse? Est-ce à vous à qui il en a? Non, madame, c'est à vous-même. Bien qu'on le fasse venir, pourquoi s'en va-t-il? C'est qu'il a souhaité que je vous parlasse auparavant. C'est le neveu de monsieur Rémy, celui qu'il vous a proposé pour homme d'affaires. C'est bien lui. Il a vraiment très bonne façon. Il est généralement estimé, je le sais. Je n'ai pas de peine à le croire, il a tout l'air de le mériter. Mais Martin, il a si bonne mine pour un intendant que je fais quelques scrupules de le prendre. N'en dira-t-on rien? Que voulez-vous qu'on dise? N'est-on obligé de le prendre que des intendants mal faits? Tu as raison. Dis-lui qu'il revienne. Il n'était pas nécessaire de me préparer à le recevoir. Dès que c'est monsieur Rémy qui me le donne, c'en est assez, je le prends. Vous ne sauriez mieux choisir. Êtes-vous convenu du parti que vous lui faites? Monsieur Rémy m'a chargé de vous en parler. Non, cela est inutile, il n'y aura pas de dispute là-dessus. Dès que c'est un honnête homme, il aura lieu d'être content, mais appelez-le. On lui donnera ce petit appartement qui donne sur le jardin, n'est-ce oui, pas? Oui, comme il voudra, mais qu'il vienne. Monsieur Dorant! Madame vous attend. Venez, monsieur. Je suis obligée à monsieur Rémy d'avoir songé à moi. Puisqu'il me donne son neveu, je ne doute pas que ce ne soit un présent qu'il me fasse. Un de mes amis me parla avant-hier d'un intendant qu'il doit m'envoyer aujourd'hui, mais je m'en tiens à vous. J'espère, madame, que mon zèle justifiera la préférence dont vous m'honorez et que je vous supplie de me conserver. Rien ne m'affligerait tant à présent que de la paix. Oh, madame n'a pas deux paroles. Non, non, monsieur, c'est une affaire terminée, je le renverrai. Vous êtes donc fait des affaires, apparemment. Vous y avez travaillé. Oui, madame, mon père était avocat et je pourrais l'être moi-même. Oui, c'est-à-dire que vous êtes de très bonne famille et même au-dessus du parti que vous prenez. Je ne sens rien qui m'humilie dans le parti que je prends, madame. L'honneur de servir une dame comme vous n'est au-dessous de qui que ce soit et je n'envierai la condition de personne. Les façons ne vous feront pas changer de sentiment. Vous trouverez ici tous les égards que vous méritez. Et si, dans la suite, il y avait occasion de vous rendre service, je ne la manquerai pas. Oh, voilà, madame, je la reconnais. Oui, il est vrai, je suis toujours fâchée de voir d'honnêtes gens sans fortune, tandis qu'une infinité de gens de rien et sans mérite en ont une éclatante. C'est une chose qui me blesse. Surtout dans les personnes de son âge, car vous n'avez que 30 ans tout au plus. Pas tout à fait encore, madame. Ce qu'il y a de consolant pour vous, c'est que vous avez le temps de devenir heureux. Je commence à l'être aujourd'hui, madame. On vous montrera l'appartement que je vous destine. S'il ne vous convient pas, il y en a d'autres et vous choisirez. Ah, il vous faut aussi quelqu'un qui vous serve. Et c'est à quoi je vais pourvoir. Qui lui donnerons-nous, Martin? On pourrait lui donner Arlequin, madame. Oh, je le vois l'entrée de la salle et je vais l'appeler Arlequin. Parlez-en, madame. Voilà, madame. Arlequin, vous êtes à présent un monsieur. Vous le servirez, je vous donne à lui. Comment, madame, vous me donnez à lui? Est-ce que je ne serai plus à moi? Ma personne ne m'appartiendra donc plus. Oh, quel bonnet. J'entends qu'au lieu de me servir, ce sera lui qui servira. Je ne sais pas pourquoi madame me donne mon congé. Je n'ai pas mérité ce traitement. J'ai toujours servi à faire plaisir. Je ne te donne pas ton congé. Je te paierai pour être à monsieur. Ah, mais je représente à madame que cela ne serait pas juste. Je ne donnerai pas ma peine d'un côté, pendant que l'argent viendra d'un autre. Il faut que vous souffriez mon service, puisque j'aurai vos gages. Mmh. Autrement, je friponnerai madame. Je désespère de lui faire entendre raison. Oh, tu es bien chaud. Quand je te dis d'aller là ou de faire telle ou telle chose, ne le fais-tu pas? Toujours. Eh bien, c'est monsieur qu'il fera comme moi, à la place de madame et par son ordre. Ah, c'est une autre affaire. C'est madame qui donnera ordre à monsieur de souffrir mon service que je lui prêterai par le commandement de madame. Voilà ce que c'est. Ah, mais vous voyez bien que ça mérite explication. Voici votre marchand qui vous apporte les étoffes, madame. C'est bien, je vais les voir et je reviens vers vous. Monsieur, j'ai à vous parler d'une affaire. Ne vous éloignez pas. Oh ça, monsieur, nous sommes dans l'un à l'autre et vous avez le pas sur moi. Je serai le valet qui sert et vous, le valet qui serez servi par ordre. Oh, je ne sais pas qu'avec ces compagnons, les restants. Un moment. Monsieur, avec votre permission, ne paierez-vous rien? Vous attendez donné ordre d'être servi gratis? Madame d'Opéra, n'est-ce pas assez? Laisse-nous! Oh, bah pardi, je ne vous coûterai donc guère, on serait à avoir un valet meilleur marché! Ah, Lucas a raison! Tiens! Voici d'avance ce que je te donne! Oh, voilà une action de maître! À votre aise pour le reste! Va boire à ma santé! Oh, qu'il ne s'agit que de boire afin qu'elle soit bonne tant que je vivrai, je vous la promets excellente! Ah, oh, le gracieux camarade qui m'est venu là par hasard! Vous avez lieu d'être satisfait de l'accueil de madame? Elle paraît faire cas de vous et c'est tant mieux, nous n'y perdrons pas! Mais voici madame Argante. Je vous avertis que c'est sa mère et je devine à peu près ce qui l'amène. Eh bien, Marton, ma fille a un nouvel intendant que son procureur lui a donné, m'a-t-elle dit. J'en suis fâchée. Cela n'est pas obligeant pour monsieur le comte qui lui en avait retenu un. Du moins devait-elle attendre et les voir tous deux. Pourquoi préférer celui-ci? Quelle espèce d'homme est-ce? C'est monsieur, madame. C'est monsieur? Je n'en serais pas douté. Il est bien jeune. Oh, 30 ans, on est en âge de 30 ans dans de maison, madame. C'est ce nom. Êtes-vous arrêté, monsieur? Oui, madame. Et de chez qui sortez-vous? De chez moi, madame, je n'ai encore été chez personne. De chez vous? Vous allez donc faire ici votre apprentissage? Oh, pas du tout, monsieur entend les affaires. Il est fils d'un père extrêmement habile. Tiens, pourvu que monsieur ne s'éloigne pas des intentions que nous avons, il me sera indifférent que ce soit lui. Peut-on savoir ses intentions, madame? Connaissez-vous monsieur le comte d'Orignon? C'est un homme d'un beau nom. Ma fille et lui allaient avoir un procès ensemble au sujet d'une terre considérable. Il ne s'agissait pas moins que de savoir à qui elle resterait. Et on a songé à les marier pour empêcher qu'ils ne plaident. Ma fille est veuve d'un homme qui était fort considéré dans le monde et qui l'a laissé fort riche. Madame la comtesse d'Orimont aurait un rang si élevé, irait de pair avec des personnes d'une si grande distinction qu'il me tarde de voir ce mariage conclu. Et je l'avoue, je serais moi-même charmée d'être la mère de madame la comtesse d'Orimont. Et de plus que cela peut-être, car monsieur le comte d'Orimont est en passe d'aller à tout. Les paroles sont-elles données de part et d'autre? Pas tout à fait encore, mais à peu près. Ma fille n'en est pas éloignée. Elle souhaiterait seulement être bien instruite de l'état de l'affaire et savoir si elle n'a pas meilleur droit que monsieur le comte, afin que, si elle l'épouse, il lui en ait plus d'obligation. Mais j'ai quelquefois peur que ce ne soit une défaite. Ma fille n'a qu'un défaut, c'est que je ne lui trouve pas assez d'élévation. Le beau nom de Dorimont et le rang de comtesse ne la touchent pas assez. Elle ne sent pas le désagrément qu'il y a de n'être qu'une bourgeoise. Elle s'endort dans cet état malgré le bien qu'elle a. Peut-être n'en sera-t-elle pas plus heureuse si elle en sort. Il ne s'agit pas de ce que vous en pensez. Gardez votre petite réflexion roturière et servez-nous si vous voulez être de nos amis. C'est un petit trait de morale qui ne gâte rien à notre affaire. Morale subalterne qui me déplaît. De quoi est-il question, madame? De dire à ma fille, quand vous aurez vu ses papiers, que son droit est le moins bon, que si elle plaidait, elle perdrait. Oh, si effectivement son droit est le plus faible, je ne manquerai pas de l'en avertir, madame. Oh, que l'esprit borné, mais vous n'y êtes pas, c'est pas la folie. On vous charge de lui parler ainsi, indépendamment de son droit, bien ou mal fondé. Mais madame, il n'y aurait point de probité à la tromper. De probité? Mais j'en manque d'eau, moi. Quel raisonnement! C'est moi qui suis sa mère et qui vous ordonne de la tromper à son avantage. davantage, entendez-vous, c'est moi, moi. Il y aura toujours de la mauvaise foi de ma part. Oh, mais c'est un ignorant, tout cela, qu'il faut renvoyer. Adieu, monsieur l'homme d'affaires, qui n'avait fait plus de personne. Ah, cette mère-là ne ressemble guère à ta fille. Ah oui, il y a quelques différences, et je suis fâchée de n'avoir pas eu le temps de vous prévenir sur son humeur brusque. Elle est extrêmement entêtée de ce mariage, comme vous voyez. Au surplus, que vous importe ce que vous direz à la fille, dès que la mère sera votre garant. Vous n'aurez rien à vous reprocher, ce me semble. Il n'ira pas la tromper. Ah, vous m'excuserez, ce sera toujours l'engagé à prendre un parti qu'elle ne prendrait peut-être pas sans cela. Et puisque l'on veut que j'aide à l'y déterminer, elle y résiste, non? C'est par indolence. Croyez-moi, disons la vérité. Oh, ça... Il y a une petite raison à laquelle vous devez vous rendre. C'est que monsieur le comte me fait présent de 1000 écus le jour de la signature du contrat. Et cet argent, suivant le projet de monsieur Rémy, vous regarde aussi bien que moi, comme vous voyez. Tenez, mademoiselle Marton, vous êtes la plus aimable fille du monde, mais ce n'est que faute de réflexion que ces 1000 écus vous tentent. Mais au contraire, c'est par réflexion qu'ils me tentent. Plus j'y rêve, et plus je les trouve beaux. Mais vous aimez votre maîtresse. Et si elle n'était pas heureuse avec cet homme-là, ne vous reprocheriez-vous pas d'y avoir contribué pour une misérable somme? Oh, ma foi, vous avez beau dire. D'ailleurs, le comte est un honnête homme, et je n'y entends point de finesse. Voilà, madame, tire bien, elle a vous parlé, je m'en tire. Méditez sur cette somme, vous la coûterez aussi bien que moi. Je ne suis pas si fâché de la tromper. Vous avez donc vu ma mère? Oui, madame, il n'y a qu'un moment. Oui, elle me l'a dit, elle voudrait bien que j'en esprit un autre que vous. Il me l'a paru. Ne vous embarrassez pas, vous me comptez. Je n'ai point d'autre ambition. Parlons de ce que j'ai à vous dire, mais que ceci soit secret entre nous, je vous prie. Oh, je me trahirai plutôt moi-même. N'hésite pas non plus à vous donner ma confiance. Voilà ce que c'est. On veut me marier avec monsieur le comte d'Orimont, pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Mais je le sais, madame, mais j'ai eu le malheur d'avoir déplu tout à l'heure là-dessus à madame Argande. C'est d'où vient? C'est que si dans votre procès vous avez le bon droit de votre côté, on souhaite que je vous dise le contraire, afin de vous engager plus vite à ce mariage. Et j'ai prié qu'on m'en dispense. Que ma mère est frivole. Votre fidélité ne me surprend point, j'y comptais. Faites toujours de même. Et ne vous choquez pas de ce que ma mère a pu vous dire, je la désapprouve. A-t-elle tenu quelques discours désagréables? Oh, il n'importe, madame Monzel, et mon attachement en augmente, voilà tout. Et voilà aussi pourquoi je ne veux pas qu'on vous chagrine et que j'y mettrai bonheur. Mais qu'est-ce que cela signifie? Allons, je me pencherai tout de bon si cela continue. Comment vous ne seriez pas en repos? On aura de mauvais procédés avec vous parce que vous en avez d'estimables. Ce serait plaisant. Par toute la reconnaissance que je vous dois, madame, n'y prenez point garde. Je suis confus de vos bontés et je suis trop heureux d'avoir été querellé. Je loue vos sentiments. Enfin, revenons à ce procès dont il est question. Si je n'y pousse pas, monsieur le comte... Madame la marquise se porte mieux, madame. Et vous êtes fort obligé de votre attention. Voilà qui est bien. Madame m'a chargé aussi de vous dire un mot qui presse. Oh, de quoi s'agit-il? Il m'est recommandé de ne vous parler qu'en particulier. Je n'ai point achevé ce que j'ai à vous dire. Laissez-moi, je vous prie, un moment. Et revenez. Qu'est-ce que c'est que cet air étonné qui a marqué, ce me semble, en voyant Dorante? D'où vient cette attention à le regarder? Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame et qu'il faut que je lui demande mon congé. Quoi? Seulement pour avoir vu Dorante ici? Savez-vous à qui vous avez affaire? Au neveu de monsieur Rémy, mon procureur. Et par quel tour d'adresse est-il connu de madame? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? C'est monsieur Rémy qui me l'a recommandé pour intendant. Lui, votre intendant, et c'est monsieur Rémy qui vous l'envoie? Mais là, ce bonhomme, il ne sait pas qui il vous donne. C'est un démon que ce garçon-là. Tu me fais des exclamations. Explique-toi, est-ce que tu le connais? Si je le connais, madame, si je le connais, ah, vraiment, oui, et il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que je ne le visse? Mais c'est vrai. Oh, tu me surprends à mon tour. Enfin, serait-il capable de quelque mauvaise action, tu saches? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Lui, oh, il n'y a pas de plus brave homme dans toute la terre. Il a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que 50 honnêtes gens ensemble. Oh, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. Mais de quoi peut-il donc être question? Enfin, d'où vient que tu m'alarmes? En vérité, j'en suis tout ému. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête? Oui, il est timbré. Ah, mais timbré comme son. Dorante? Elle m'a paru de très bon sens. Mais quelle preuve as-tu de sa folie? Quelle preuve? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravague d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu. Je dois bien le savoir, car j'étais à lui, je le servais. Et c'est ce qui m'a obligé de le quitter. Et c'est ce qui me force de m'en aller encore. Bon, ôtez cela, c'est un homme incomparable. Eh bien, il fera ce qu'il voudra, mais je ne le garderai pas. On a bien affaire d'un esprit renversé. Et encore, je gage pour quelque objet qui n'en vaut pas la peine, car les hommes ont des fantaisies. Oh, vous m'excuserez. Pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malpeste sa folie et de bon goût. Bien importe, je veux le congédier. Est-ce que tu la connais, toi, cette personne? J'ai l'honneur de la voir tous les jours. C'est vous, madame. Quoi, dis-tu? Il vous adore. Il y a 6 mois qu'il n'en vit plus. Qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Vous avez dû voir qu'il a l'air enchanté quand il vous parle. Oui, enfin, il y a bien quelques petites choses qui m'ont paru extraordinaires. Oh, juste ciel, le pauvre garçon. De quoi sa vie-t-il? Mais vous ne sauriez croire jusqu'où va sa démence. Elle le ruine, elle lui coupe la gorge. Il est bien fait, de figure passable, bien élevé et de bonne famille. Mais il n'est pas riche. Et vous saurez qu'il n'a dû qu'à lui d'épouser des femmes qu'il était, et de fort aimables, ma foi, qui offraient de lui faire sa fortune et qui auraient mérité qu'on la leur fît à elle-même. Il y en a une qui n'en saurait revenir et qui le poursuit encore tous les jours. Oui, je le sais, car je l'ai rencontrée. Actuellement? Oui, madame, oui. Oui, actuellement. Une grande brune, très piquante. Oui, qu'il fuit, il n'y a pas moyen. Monsieur refuse tout. Je les tromperai, me disait-il. Je ne puis les aimer. Mon cœur est parti. Oui, ce qu'il disait quelquefois la larme à l'œil, car il sent bien son tort. Voilà qui est fâcheux. Mais... d'où m'a-t-il vu, Dubois, avant que de venir chez moi? Oh, hélas, madame. Ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison, oui. C'était un vendredi, oui. Oui, je me souviens. Oui. Oui, un vendredi. Il vous vit descendre l'escalier, à ce qu'il me raconta, et vous suivit jusqu'à votre carrosse. Il avait demandé votre nom. Et je le trouvais qui était comme extasié. Il ne remuait plus. Quelle aventure! J'ai voulu lui crier, monsieur! Point de nouvelles. Il n'y avait plus personne au logis. Pourtant, à la fin, il revint à lui avec un air égaré. Je le jetai dans une voiture et nous retournâmes à la maison. J'espérais que cela se passerait, car je l'aimais, oh! C'est le meilleur maître. Eh bien, pas du tout. Il n'y avait plus de ressources. Ce bon sens, cet esprit jovial, cette humeur charmante, vous aviez tout expédié. Et dès le lendemain, nous ne fîmes plus tous deux. Lui, que rêvez à vous, que vous aimez, et moi, à quai du matin jusqu'au soir où vous alliez. Je me fis même ami d'un de vos gens, qui n'y est plus, un garçon fort exact, qui m'instruisait et à qui je payais bouteille. C'est à la comédie qu'on va, me disait-il. Et je courais faire mon rapport, sur lequel, dès 4 heures, mon homme était à la porte. C'est chez madame celle-ci, c'est chez madame celle-là. Et sur cet avis, nous allions toute la soirée habiter la rue, ne vous déplaise, pour voir madame entrer et sortir. Lui dans un fiacre, moi derrière, tous deux morfondus et gelés, car c'était dans l'hiver. Lui ne s'en souciant en guerre, moi jurant par-ci par-là pour me soulager. C'est possible. Oui, madame, oui, à la fin, ce train de vie m'ennuya, sa santé s'altérait, la mienne aussi. Je lui fis croire que vous étiez à la campagne. Il le crut et j'eus quelques repos. Mais n'alla-t-il pas 2 jours après vous rencontrer aux Tuileries, où il avait été s'attristé de votre absence? Au retour, il était furieux. Il voulut me battre, tout bon qu'il est. Moi, je ne le voulus pas. Et je le quittai. Mon bonheur ensuite m'a mis chez madame, où à force de se démener, je le vois parvenu à votre intendant. Ce qu'il ne troquerait pas contre la place d'un empereur. N'y a-t-il rien là de si particulier? Je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir parce qu'il a de la probité. Ce n'est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de ça. Bon, il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Vraiment, oui, je le renverrai bien. Ce n'est pas là ce qu'il guérira. D'ailleurs, je ne sais que dire à M. Rémy qu'il l'a recommandé. Enfin, ceci m'embarrasse. Je ne vois pas trop comment m'en défaire honnêtement. Oui, mais vous ferez un incurable, madame. Tant pis pour lui. Je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d'un intendant. Et puis, il n'y a pas tant de risques que tu crois. Au contraire, s'il y avait quelque chose qui pût ramener cet homme, c'est l'habitude de me voir plus qu'il n'avait. Ça a même un service à lui rendre. Ah oui? Oui, c'est un remède bien innocent. Premièrement, il ne vous dira mot, jamais vous n'entendrez parler de son amour. En es-tu bien sûr? Ah, mais il ne faut pas en avoir peur, il mourrait plutôt. Il a un respect, une adoration, une humilité pour vous qui n'est pas concevable. Est-ce que vous croyez qu'il songe à être aimé au point du tout? Non, il dit que dans tout l'univers, il n'y a personne qui le mérite. Non, il ne veut que vous voir, vous considérer, admirer vos yeux, vos grâces, votre belle taille, et puis... oh, et puis c'est tout, quoi, il me l'a dit 1000 fois. Voilà qui est bien digne de compassion. Alors, je patienterai encore quelques jours en attendant que j'en ai un autre. Oh, surplus, sois sans crainte. Je suis contente de toi, je récompenserai ton zèle et je ne veux pas que tu me quittes. Entends-tu, Dubois? Oh, madame, je vous suis dévouée pour la vie. J'aurai soin de toi. Surtout, qu'il ne sache pas que je suis un truite. Garde un profond secret que tout le monde, jusqu'à Marton, ignore ce que tu m'as dit. Ce sont de ces choses qui ne doivent jamais percer. Je n'en ai jamais parlé qu'à madame. Oh, le voici qui revient. J'attends. La vérité. Et voici une confidence dont je me serais bien passée moi-même. Madame, je me rends à vos ordres. Oui, monsieur, de quoi vous parlez, je l'ai oublié. D'un procès avec monsieur le comte d'Orimont. Ah oui, oui, je me remets, oui. Je vous disais qu'on veut nous marier. Oui, madame, et vous alliez, je crois, ajouter que vous n'étiez pas portée à ce mariage. Il est vrai, j'avais envie de vous charger d'examiner l'affaire afin de savoir si je ne risquerais rien à plaider. Mais je crois devoir vous dispenser de ce travail, je ne suis pas sûre de pouvoir vous garder. Oh, madame, vous aviez eu la bonté de me rassurer là-dessus. Oui, mais je ne faisais pas réflexion que j'ai promis à monsieur le comte de prendre un intendant de sa main. Vous voyez qu'il ne serait pas très honnête de lui manquer de parole. Enfin, du moins, faut-il que je parle à celui qu'il m'enverra. Je ne suis pas heureux. Rien ne me réussit. Et j'aurai la douleur d'être renvoyé. Mais je ne dis pas cela. Il n'y a pas rien de résolu là-dessus. Oh, ne me laissez point dans l'incertitude où je suis, madame. Je tâcherai que vous restiez. Enfin, je tâcherai. Vous m'ordonnez donc de vous rendre compte de l'affaire en question. Oh, attendons. Si j'allais épouser le comte, vous auriez pris une peine inutile. Mais je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui. Non, pas encore. Et d'ailleurs, votre situation est si tranquille et si douce. Oh, je n'ai pas le courage de l'affliger. Eh bien, examinez toujours, enfin, examinez. Il y a là des papiers dans mon cabinet, alors je vais les chercher. Vous viendrez les prendre et puis je vous les donnerai, oui. Oh, je n'oserais presque le regarder. Marton vous cherche pour vous montrer l'appartement qu'on vous destine. Harlequin est allé voir. J'ai dit que j'allais vous avertir. Comment vous traite-t-on ? Quelle est aimable, je suis enchantée. Dis-moi, de quelle façon a-t-elle reçu ce que tu lui as dit ? Elle opine tout doucement à vous garder par compassion. Elle espère vous guérir par l'habitude de la voir. Sincèrement ? Elle n'en réchappera point, c'est autant de prix, je vous dis. Au reste, au contraire, je crois, petit Marton. Dis-lui que madame m'attend pour me remettre des papiers et que j'irai la trouver dès que je les aurai. Partez aussi bien, j'ai un petit avis à donner à Marton. Il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin. Oui, donc, Dorant, il me semble l'avoir vu avec toi. Il dit que madame l'attend pour des papiers, qu'il reviendra ensuite. Mais au reste, qu'est-il nécessaire qu'il voie cet appartement? S'il n'en voulait pas, il serait bien délicat. Pardis, je lui conseillerais, moi. Ce ne sont pas là tes affaires, je suis les ordres de madame. Madame est bonne et sage, mais prenez garde. Ne trouvez-vous pas que ce petit galant l'a fait les yeux doux? Il les fait comme il les a. Je me trompe fort si je n'ai vu la mine de ce troluquet. Considérez, je ne sais où celle de madame. Eh bien, est-ce qu'on te fasse quand on la trouve belle? Non, mais je me figure quelquefois qu'il n'est venu ici que pour la voir de plus près. C'est dans bien chaud, hein? L'original avec ses opérations! Allez toujours! J'aurai soin de vous les faire trouver meilleurs! Allons faire jouer toutes nos batteries! Et nos rideaux tombent sur le premier acte pour lequel nous avons vu l'astucieux Dubois disposer doucement sa maîtresse en faveur de Dorante. Comment fera-t-il échec à l'antipathie de Madame Argan vis-à-vis de son maître? Comment dissipera-t-il les illusions de l'innocente Marton? Comment maintiendra-t-il l'équivoque suggéré par lui? Le deuxième acte, qui sera l'acte de la crise qu'il souhaite, nous éclairera partiellement. Dido se lève sur le même décor. Araminte et Dorante sont en tête à tête. Monsieur Rémy entrera peu après, puis Marton. Non, madame, vous ne risquez rien. Vous pouvez plaider en toute sûreté. J'ai même consulté plusieurs personnes. L'affaire est excellente et si vous n'avez que le motif dont vous avez parlé pour épouser monsieur le comte, rien ne vous oblige à ce mariage. Je l'affligerai beaucoup. J'ai de la peine à m'y résoudre. Il ne serait pas juste de vous sacrifier à la crainte de l'affliger. Oui, mais avez-vous bien examiné? Vous me disiez tantôt que mon état était doux et tranquille. N'aimeriez-vous pas mieux gérer ça? N'êtes-vous pas un peu trop prévenu contre le mariage et par conséquent contre monsieur le comte? Madame, j'aime mieux vos intérêts que les siens et que ceux de qui que ce soit au monde. Je ne saurais y trouver à dire. En tout cas, si je l'épouse et qu'il veuille en mettre un autre ici à votre place, vous n'y perdrez point. Je vous promets de vous en trouver une meilleure. Non, madame, si j'ai le malheur de perdre celle-ci, je ne serai plus à personne. Et apparemment que je la perdrai, je m'y attends. Oh, pourtant que je plaiderai. Enfin, nous verrons. J'avais encore une petite chose à vous dire, madame. Je viens d'apprendre que le concierge d'une de vos terres est mort. On pourrait y mettre un de vos gens et j'ai songé à Dubois, que je remplaçais ici par un domestique dont je réponds. Non, envoyez plutôt votre homme au château et laissez-moi Dubois. C'est un garçon de confiance qui me sert bien et que je veux garder. À propos, il m'a dit qu'il me semble qu'il avait été à vous quelque temps. Il est vrai, madame. Oh, il est fidèle, mais peu exact. Rarement au reste, ces gens-là parlent-ils bien de ceux qu'ils ont servis. Ne me nuirait-il point dans votre esprit? Oh, celui-ci dit beaucoup de bien, voilà tout. Ah, que me veut monsieur Rémy? Madame, je suis votre très humble serviteur. Je viens vous remercier de la bonté que vous avez eue de prendre mon neveu à ma recommandation. Je n'ai pas hésité, comme vous l'avez vu. Je vous rends mille grâces. Ne m'aviez-vous pas dit qu'on vous en offrait un autre? Oui, monsieur. Tant mieux. Car je viens vous demander celui-ci pour une affaire d'importance. Mais et d'où vient monsieur? Patience. Oh, monsieur Rémy, ceci est un peu vif. Vous prenez mal votre temps, moi, j'ai refusé l'autre personne. Pour moi, je ne sortirai jamais de chez madame qu'elle ne me congédie. Vous ne savez ce que vous dites, il faut pourtant sortir, vous allez voir. Tenez, madame, jugez-en vous-même, voici de quoi il est question. C'est une dame de 35 ans, qu'on dit jolie femme, estimable, et de quelques distinctions, qui ne déclare pas son nom, qui dit que j'ai été son procureur, qui a 15 000 livres de rente, pour le moins, ce qu'elle prouvera, qui a vu monsieur chez moi, qui lui a parlé, qui sait qu'il n'a point de bien, et qui offre de l'épouser sans délai. Et la personne qui est venue chez moi de sa part doit revenir tantôt pour savoir la réponse et vous venez tout de suite chez elle. Cela est-il net? Y a-t-il à se consulter là-dessus? Dans 2 heures, il faut être au logis. Ah. Et je dors, madame. C'est à lui de répondre. Eh bien, à quoi pensez-vous? Dormirez-vous? Non, monsieur, je ne suis pas dans cette disposition-là. Hein, quoi? Entendez-vous ce que je vous dis? Qu'elle a 15 000 livres de rente, entendez-vous? Oui, monsieur, mais en eût-elle 20 fois davantage, je ne l'épouserai pas. Nous ne serions heureux ni l'un ni l'autre. J'ai le cœur pris, j'aime ailleurs. J'ai le cœur pris. Ben voilà qui est fâcheux. Ah, jamais je n'aurais deviné la beauté des scrupules de ce cœur-là qui veut qu'on reste intendant de la maison d'autrui pendant qu'on peut l'être de la fenêtre. Est-ce là votre dernier mot, berger fidèle? Je ne saurais changer de sentiment, monsieur. Ah, le sauteur. Mon neveu, vous êtes un imbécile, un insensé. Et je tiens celle que vous aimez pour une guenon si elle n'est pas de mon sentiment. N'est-il pas vrai, madame? Et ne le trouvez-vous pas extravagant? Ne le querellez pas, il paraît avoir tort, j'en conviens. Comment, madame, il paraît? Enfin, dans sa façon de penser, je l'excuse. Mais voyez pourtant, Dorante, tâchez de vaincre votre penchant si vous le pouvez. Oh, je sais bien que cela est difficile. Il n'y a pas moyen, madame. Mon amour m'est plus cher que la vie. Ah, eh bien, ceux qui aiment les beaux sentiments doivent être contents. En voici un des plus curieux qui se passe. Vous trouvez donc cela raisonnable, madame? Je vous laisse, parlez-lui vous-même. Ah, il me touche tant qu'il faut que je m'en aille. Il ne croit pas si bien me servir. Dorante, sais-tu bien qu'il n'y a point de fou aux petites maisons de ta force? Ah, venez, mademoiselle Marton. Je viens d'apprendre que vous étiez ici. Et dites-nous un peu votre sentiment. Que pensez-vous de quelqu'un qui n'a point de bien et qui refuse d'épouser une honnête et fort jolie femme avec 15 000 livres de rente bienvenant? Votre question est bien aisée à décider. Ce quelqu'un rêve. Ah, eh bien voilà le rêveur. Et pour excuse, il a l'ex au cœur que vous avez pris. Comme apparemment, il n'a pas encore emporté le vôtre et que je vous crois encore à peu près dans tout votre bon sens, vu le peu de temps qu'il y a que vous le connaissez, je vous prie de m'aider à le rendre plus sage. Assurément, vous êtes fort jolie, mais vous ne le disputerez pas dans un pareil établissement. Il n'y a pas de beaux yeux qui vaillent ce bruit-là. Quoi, monsieur Rémy? C'est de Dorande dont vous parlez? C'est pour se garder à moi qu'il refuse d'être riche? Tout juste, et vous êtes trop généreuse pour le souffrir. Ah, oh, vous vous trompez, monsieur, je l'aime trop moi-même pour l'en empêcher et je suis enchantée. Comment? Ah, Dorante, que vous êtes aimable. Je n'aurais pas cru que vous m'aimassiez tant. Courage, je ne fais que vous le montrer et vous en êtes déjà coiffée. Mais pardi, le cœur d'une femme est bien étonnant, le feu, il prend bien vite. Monsieur, faut-il tant de bien pour être heureux? Madame qui a de la bonté pour moi suppliera en partie par sa générosité à ce qu'il me sacrifie. Oh, que je vous ai d'obligation, Dorance. Oh, non, non, mademoiselle, aucune. Non, vous n'avez point de gré à me savoir de ce que je fais. Je me livre à mes sentiments et ne regarde que moi là-dedans. Non, vous ne me devez rien et je ne pense pas à votre reconnaissance. Vous me charmez. Que de délicatesse. Il n'y a encore rien de si tendre que ce que vous me dites. Par ma foi, je ne m'y connais donc guère, car je le trouve bien plat. Adieu, la belle enfant. Je ne vous en apprends pas évalué ce qu'il vous achète. Serviteur idiot, garde ta tendresse et moi ma succession. Il est en colère, mais nous l'apaiserons. Je l'espère. Mais quelqu'un vient. C'est le comte, celui dont vous avez parlé, qui doit épouser madame. Je vous laisse donc, il pourrait me parler de son procès. Vous savez ce que je vous ai dit là-dessus, et il est inutile que je le voie. Bonjour, Martin. Vous voilà donc revenu, monsieur. Oui. On m'a dit qu'Araminte se promenait dans le jardin. Mais je viens d'apprendre de sa mère une chose qui me chagrine. Je lui avais retenu un intendant qui devait aujourd'hui rentrer chez elle, et cependant il en a pris un autre, qui ne plaît point à la mère et dont nous n'avons rien à espérer. Oh, nous n'en devons rien craindre non plus. Allez, ne vous inquiétez pas, c'est un galant homme. Et si la mère n'en est pas contente, c'est un peu sa faute. Elle a débuté tantôt par le brusquer d'une manière si outrée, l'a traité si mal, qu'il n'est pas étonnant qu'il ne l'ait point gagné. Imaginez-vous qu'elle l'a querellé de ce qu'il était bien fait. N'est-ce point lui que je viens de voir sortir d'avec vous? Lui-même. Il a bonne mine, en effet. Il n'a pas trop l'air de ce qu'il est. Oh, pardonnez-moi, monsieur, car il est honnête homme. Il n'y aurait-il pas moyen d'arranger cela? Araminte ne me hait pas, je pense. Mais elle est lente à se déterminer. Et pour achever de la résoudre, il ne s'agirait plus que de lui dire que le sujet de notre discussion est douteux pour elle. Elle ne voudra pas soutenir l'embarras d'un procès. Parlons à cet intendant. S'il ne faut que de l'argent pour le mettre dans nos intérêts, je ne l'épargnerai pas. Oh non, ce n'est point un homme à mener par là. C'est le garçon de France le plus désintéressé. Tant pis, ces gens-là ne sont bons à rien. Laissez-moi faire. Mademoiselle, voilà un homme qui en demande un autre. Savez-vous qui c'est? Et quel est cet autre? À quel homme en veut-il? Ma foi, je n'en sais rien. Cette fois, je m'informe à vous. Eh bien, fais-le entrer. Ah. Hé, le garçon, venez ici votre affaire. Qui cherchez-vous? Mademoiselle, je cherche un certain monsieur à qui j'ai à rendre un portrait avec une boîte qu'il nous a fait faire. Il nous a dit qu'on ne l'a remis qu'à lui-même et qu'il viendrait la prendre, mais comme mon père est obligé de partir demain pour un petit voyage, il m'a envoyé pour la lui rendre et on m'a dit que je saurais de ses nouvelles ici. Je le connais de vue, mais je ne sais pas son nom. N'est-ce pas vous, monsieur le comte? Non, sûrement. Je n'ai point affaire à monsieur, mademoiselle. C'est une autre personne. Et chez qui vous attendez que vous le trouveriez? Chez un procureur qui s'appelle monsieur Rémy. Ah, n'est-ce pas le procureur de madame? Montrez-nous la boîte. Monsieur, cela m'est défendu. Je n'ai ordre de la donner qu'à celui à qui elle est. Le portrait de la dame est dedans. Le portrait d'une dame? Qu'est-ce que cela signifie? Serait-ce celui d'Araminte? Je vais tout à l'heure savoir ce qu'il en est. Vous avez mal fait de parler devant lui. Je sais qui vous cherchez. C'est le neveu de monsieur Rémy de chez qui vous venez. Je le crois aussi, mademoiselle. Un grand homme qui s'appelle monsieur Dorange. Il me semble que c'est son nom. Il me l'a dit, je suis dans sa confidence. Avez-vous remarqué le portrait? Oh non, je n'ai pas pris garde à qui il ressemble. Eh bien, c'est de moi qu'il s'agit. Monsieur Dorange n'est pas ici, n'entrera pas si tôt. Vous n'avez qu'à m'en mettre la boîte. Ah, vous le pouvez en toute sûreté. Vous lui ferez même plaisir. Vous voyez que je suis au fait. C'est ce qui me paraît. La voilà, mademoiselle. Ayez donc, je vous prie, le soin de la lui rendre quand il sera venu. Non, je n'y manquerai pas. Il y a encore une bagatelle qu'il doit dessus. Je tâcherai de repasser tantôt. Et s'il n'y était pas, vous auriez la bonté d'achever de payer. Sans difficulté, allez. Oh, si de rentrer, tirez-vous vite. Ah, ce ne peut être que mon portrait. Oh, le charmant homme. Monsieur Rémy avait raison de dire qu'il y avait quelque temps qu'il me connaissait. Mademoiselle, avez-vous vu ici quelqu'un qui vient d'arriver? Arlequin croit que c'est moi qu'il demande. Que vous êtes aimable, Dorant. Je serais bien injuste de ne pas vous aimer. Allez, soyez-en pour l'ouvrier venu, je lui ai parlé, j'ai la boîte, je la tiens. Mais j'ignore. Oh, point de mystère, je la tiens, vous dis-je, je ne m'en fâche pas. Ah, je vous la rendrai quand je l'aurai vu. Voici madame avec sa mère et le comte, c'est peut-être de ça qu'ils s'en retiennent. Laissez-moi les calmer là-dessus et ne les attendez pas. Tout a réussi, elle prend le change à merveille. Marton, mais qu'est-ce que c'est qu'un portrait dont monsieur le comte me parle? On vient d'apporter ici à quelqu'un qu'on ne nomme pas et qu'on soupçonne être le mien. Intrusez-moi cette histoire. Oh, ce n'est rien, madame. Je vous dirai ce que c'est. Je l'ai démêlé après que monsieur le comte a été parti. Il n'a que fait de s'alarmer. Il n'y a rien là qui vous intéresse. Et comment le savez-vous, mademoiselle? Vous n'avez point vu le portrait. Oh, c'est tout comme si je l'avais vu, je sais qui le regarde. N'en soyez pas en peine. Ce qu'il y a de certain, c'est un portrait de femme. Et c'est ici qu'on vient chercher la personne qui l'a fait faire, à qui on doit le rendre. Et ce n'est pas moi. D'accord, mais quand je vous dis que madame n'y est pour rien, ni vous non plus. Eh bien, puisque vous êtes instruite, dites-nous donc de quoi il est question, car je veux le savoir. On a des idées qui ne me plaisent pas à parler. Oui, ceci a un air de mystère qui est désagréable. Mais il ne faut pourtant pas vous fâcher, ma fille. Monsieur le comte vous aime. Et un peu de jalousie, même injuste, Ne m'esquive pas un amant. Je ne suis jaloux que de l'inconnu qui ose se donner le plaisir d'avoir le portrait de madame. Comme il vous plaira, monsieur, mais je sais ce que vous voulez dire et je crains un peu ce caractère d'esprit-là. Eh bien, Marton. Eh bien, madame, voilà bien du bruit. C'est mon portrait. Votre portrait? Oui, le mien, et pourquoi non, s'il vous plaît? Il ne faut pas tant se récrier. Je suis assez comme monsieur le comte, la chose me paraît singulière. La foi, madame, sans vanité, on en peint tous les jours et des plus épais qui ne me valent pas. Et qu'est-ce qui a fait cette défense-là pour vous? Un très aimable homme qui m'aime, qui a de la délicatesse et des sentiments, et qui me recherche. Et puisqu'il faut vous le nommer, c'est Dorante. Mon intendant? Lui-même. Le fat avec ce sentiment? Mais vous nous trompez. Depuis qu'il est ici, a-t-il eu le temps de vous faire peur? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il me connaît. Venez donc. Je n'ai pas encore ouvert la boîte, mais c'est moi que vous y allez voir. Réaction diverse de tous en voyant le contenu de la boîte. Il est vrai. Il me voilà bien loin de mon compte. Dubois avait raison, et moi je vois clair. Par quelle raison avez-vous cru que c'était vous? Oh, ma foi, madame, tout autre que moi s'y serait trompée. Monsieur Rémy me dit que son neveu m'aime, qu'il veut nous marier ensemble. Dorante est présent, il ne dit point non. Il refuse devant moi un très riche parti. L'oncle s'en prend à moi, me dit que j'en suis cause. Ensuite vient un homme qui apporte ce portrait, qui vient chercher ici celui à qui il appartient. Je l'interroge. À tout ce qu'il répond, je reconnais Dorante. C'est un petit portrait de femme. Dorante m'aime, jusqu'à refuser sa fortune pour moi. Je conclus donc que c'est moi qui l'a fait peindre. Ai-je eu tort? J'ai pourtant mal conclu. J'y renonce. Tant d'honneur ne m'appartient point. Je crois voir toute l'étendue de ma méprise et je me tais. Mais voilà une chose bien difficile à deviner. Vous faites l'étonner, le fâcher, monsieur le comte. Il y a quelques malentendus dans les mesures que vous avez prises, mais vous ne m'avisez pas. C'est à vous qu'on apporte le portrait. Un homme dont on ne sait pas le nom et qu'on vient chercher ici. Mais c'est vous, monsieur, c'est vous. Oh, oh, mais oui, c'est monsieur. C'est pas pour vous en défendre. Dans les termes où vous en êtes avec ma fille, c'est pas là un si grand crime. Allez, convenez-vous. Non, madame, ce n'est point moi. Sur mon honneur. Je ne connais pas monsieur Rémy. Comment aurait-on dit chez lui qu'on aurait de mes nouvelles ici? Cela ne se peut pas. Je ne faisais pas attention à cette circonstance. Mais qu'est-ce que c'est qu'une circonstance de plus ou de moins? Quoi qu'il en soit, je le garde et personne ne l'aura. Quoi qu'il bruit, attends de l'ouvrir, ce serait Marton, voyons. À qui en avez-vous dans vous autres? S'il disait un mot, ton maître sortirait bien vite. Toi, nous nous soucions de toi et de toute arabe de canaille. Il n'y a que nous de cela. Comme je te bâtonnerais sans respect de madame. Marie, t'arrives, la voilà, madame. Alors, qu'y a-t-il? Quel sujet avez-vous de quereller? Approchez du bois. Apprenez-nous ce que c'est que ce mot que vous diriez contre Dorante. Il serait bon de savoir ce que c'est. Prononce donc ce mot. C'est toi, laisse-le parler. Il y a une heure qu'il me dit mille invectives, madame. Mais je soutiens les intérêts de mon maître, je tire des gages pour cela et je ne souffrirai pas qu'un ostrogon. Menace mon maître d'un mot. Je demande justice à madame. Mais encore une fois, sachons d'abord ce que veut dire Dubois par ce mot. C'est le plus précis. J'en défie d'en dire seulement une lettre. C'est par pure colère que j'ai fait cette menace, madame. Et voici la cause de la dispute. Tout à l'heure, en arrangeant l'appartement de monsieur Dorante, j'ai vu par hasard un tableau où madame est peinte. J'ai cru qu'il fallait l'ôter, qu'il n'avait que faire là, qu'il n'était point décent, qu'il y resta, de sorte que j'ai été pour le détacher. Ce buteur est venu pour m'en empêcher, et plus on est fallu que nous nous soyons battus. Mais sans doute, de quoi t'avises-tu dans tes tableaux qui est tout à fait charmant? Que mon maître considérait, il n'y a encore que quelques instants, avec toute la satisfaction possible. Car j'avais bien vu qu'il l'avait considéré de tout son cœur. Et il prend fantaisie assez brutale là de le priver d'une peinture qui réjouissait un homme. Non mais voyez la malice! Mais autre quelque autre homme, s'il en a trouvé les 8-7 pièces! Animal! Et moi je te dis qu'on ne la laissera pas, que je la détacherai moi-même, que tu en auras démenti et que madame le voudra ainsi. Mais que m'importe! C'est bien nécessaire de faire ce bruit-là pour un méchant tableau qu'on a mis là par hasard et qui y est resté. Mais laissez-nous, ça vaut-il la peine qu'on en parle? Excusez-moi, ma fille, ce n'est point là sa place, il n'y a qu'à l'ôter. Votre intendance passera bien de ses contemplations. Oh, vous avez raison, je ne pense pas qu'il les regrette. Retirez-vous tous deux! Ce qui est de sûr, c'est que cet homme d'affaires-là est de bon goût. Oui, la réflexion est juste. Effectivement, il est fort extraordinaire qu'il ait jeté les yeux sur ce tableau. Cet homme-là ne m'a jamais plu un instant, ma fille. Vous le savez, j'ai le coup d'œil assez bon, et je ne l'aime pas. Croyez-moi, vous avez entendu la menace que Dubois a faite en parlant de lui? J'y reviens encore, il faut qu'il ait quelque chose à en dire. Interrogez-le, sachons ce que c'est. Je suis persuadée que ce petit monsieur-là ne vous convient point. Nous le voyons tous. Il y a que vous qui n'y prenez pas garde. Oh, moi, je n'en suis pas contente. Mais qu'est-ce donc que vous voyez et que je ne vois pas? Bon, je manque de pénétration, je vous le disais. Je ne vois pas le sujet de me défaire d'un homme qui m'est donné de bonnes mains, enfin, qui est un homme de quelque chose qui me sert bien, et que trop bien, peut-être. Vrai, ce qui n'échappe pas à ma pénétration, par exemple. Mais vous êtes aveugle. Non, pas tant. Chacun a ses lumières. Je consens au reste d'écouter Dubois. Le conseil est bon et j'apprends. Allez, vite, je vais lui parler. me donne des motifs raisonnables pour renvoyer cet attendeur en service. Pour regarder un tableau, il ne restera pas longtemps chez moi. Sans quoi, on aura la bonté de trouver bon que je le garde, en attendant qu'il me déplaise à moi. Il vous déplaira. Je ne vous en dis pas davantage en attendant de plus fortes preuves. Quant à moi, madame, j'avoue que j'ai craint qu'il ne me servît mal auprès de vous, qu'il ne vous inspire à l'envie de plaider. Et j'ai souhaité par pure tendresse qu'il vous en détournât. Il aura pourtant beau faire, je déclare que je renonce à tout procès avec vous, que je ne veux pour arbitre de notre discussion que vous et vos gens d'affaires, et que j'aime mieux perdre tout que de rien disputer. Mais où serait la dispute? Le mariage terminerait tout, et le vôtre est comme arrêté. Je garde le silence sur Dorante. Je reviendrai simplement voir ce que vous pensez de lui. Et si vous le congédiez, comme je le présume, il ne tiendra qu'à vous de prendre celui que je vous offrais et que je retiendrai encore quelque temps. Je fais comme monsieur, je ne vous parlerai plus de rien non plus. Vous m'accuseriez de vision et votre entêtement finira sans notre secours. Tenez, je compte beaucoup sur Dubois que voilà et avec lequel nous vous laissons. On m'a dit que vous vouliez me parler, madame. Viens ici. Tu es bien imprudent, du coup, bien indiscret. Moi, qui suis bonne opinion de toi, tu n'as guère d'attention pour ce que je te dis. Je t'avais recommandé de te taire sur le chapitre de Dorant. Tu en sais les conséquences ridicules et tu me l'avais promis. Pourquoi donc avoir pris sur ce misérable tableau avec un sot qui fait un vacarme épouvantable et qui vient tenir ici des discours tout propres à donner des idées. Oh, que je serais au désespoir qu'on eût. Ma foi, madame. J'ai cru la chose sans conséquence et je n'ai d'ailleurs agi que par un mouvement de respect, de zèle. Ah, laisse là ton zèle, ce n'est pas là celui que je veux ni celui qu'il me faut. C'est ton silence dont j'ai besoin pour me tirer de l'embarras où je suis. Et où tu m'as jeté toi-même, car sans toi, je ne savais pas que cet homme-là m'aime et je n'avais que faire de regarder de si près. Bon, j'ai bien senti que j'avais tort. Enfin, passe encore pour la dispute. Mais pourquoi s'écrier si je disais un mot? Y a-t-il rien de plus mal à toi? C'est encore une suite de ce zèle malentendu. Tais-toi donc, tais-toi! Oh, je voudrais te faire oublier ce que tu m'as dit. Bon, je suis bien corrigé, allez. C'est ton étourderie qui me force actuellement de te parler. Sous prétexte de t'interroger sur ce que tu sais de lui, oui. Ma mère et monsieur le comte s'attendent que tu vas m'en apprendre des choses étonnantes. Quel rapport leur ferai-je à présent? Mais il n'y a rien de plus facile à raccommoder. Ce rapport sera que des gens qui le connaissent m'ont dit que c'était un homme incapable de l'emploi qu'il a chez vous. Bon, quoi qu'il soit fort habile, au moins ce n'est pas cela qui lui manque. Oui, à la bonne heure. Mais il y aura un inconvénient. S'il en est incapable, on me dira de le renvoyer. Oui, mais il n'en est pas encore temps. Non, j'y ai pensé depuis. La prudence ne le veut pas. Et je suis obligée de prendre des biais, d'aller tout doucement. Avec cette passion si excessive que tu dis qu'il a, qui éclaterait peut-être dans la douleur. Ne fuirais-je à un désespéré? Ah, ce n'est plus le besoin que j'ai de lui qui me retient. C'est moi que je ménage. À moins que ce qu'a dit Marton ne soit vrai. Oui, auquel cas, je n'aurais plus rien à craindre. Elle prétend qu'il l'avait déjà vu chez M. Rémy. Et que le procureur a dit même devant lui qu'il l'aimait depuis longtemps et qu'il fallait qu'il se mariasse. Je le voudrais. Bagatelle, Dorante n'a vu Marton ni de près ni de loin. C'est le procureur qui a débité cette fable-là à Marton dans le dessein de les marier ensemble. Et moi, je n'ai pas osé l'en délire, m'a dit Dorante, parce que j'aurais indisposé contre moi cette fille qui a du crédit auprès de sa maîtresse et qui a cru ensuite que c'était pour elle que je refusais les 15 000 livres de rente qu'on m'offrait. Ah, il t'a donc tout compté. Oui. Oui, il n'y a qu'un instant, dans le jardin, où il a voulu presque se jeter à mes genoux pour me conjurer de garder le secret sur sa passion et d'oublier l'emportement qu'il eut avec moi quand je le quittais. Je lui ai dit que je me tairais, mais que je ne prétendais pas rester dans la maison avec lui, et qu'il fallait qu'il sortît. Ce qu'il a jeté dans des pleurs, dans des gémissements, dans le plus triste état du monde. Oh, tant pis, ne le tourmente point. Tu vois bien que j'ai raison de dire qu'il faut aller doucement avec cet esprit-là. Tu le vois bien. Moi, j'augurais beaucoup de ce mariage avec Marton. Je croyais qu'il m'oublierait, et... point du tout. Il n'est question de rien. Pure fable. Madame a-t-elle encore quelque chose à me dire? Attends. Comment faire? Si lorsqu'il me parle, il me mettait en droit de me plaindre de lui. Mais il ne lui échappe rien. Ah, je ne sais rien de son amour, qu'est-ce que tu m'en dis? et je ne suis pas assez fondée pour le renvoyer. Il est vrai qu'il me fâcherait s'il parlait. Ah, il serait à propos qu'il me fâchât. Oh, vraiment, oui. Monsieur Dorante n'est point digne de madame. S'il était dans une plus grande fortune, comme il n'y a rien à dire à ce qu'il est né, ce serait une autre affaire, mais il n'est riche qu'en mérite. Et ce n'est pas assez. Mais non. Voilà les usages. Ah, je ne sais pas comment je le traiterai, je n'en sais rien. Enfin, je verrai. Eh bien, madame, un si beau prétexte. Ce portrait que Marton a cru être le sien, est-ce qu'elle m'a dit? Ah, non, non, je ne saurais l'en accuser, c'est le comte qui l'a fait mais faire. Mais point du tout, c'est de Dorante, mais je le sais de lui-même. Il y travaillait encore il n'y a que 2 mois, lorsque je le quittais. Mais attends. Il y a longtemps que je te parle. Et si on m'interroge sur ce que tu sais de lui, je dirai ce dont nous sommes convenus. Oh, le voici qui revient. Oh, j'ai envie de lui tendre un piège. Oh, oui, madame, il se déclarera peut-être. Et tout de suite, je lui dirai, sortez. Laisse-nous. Il m'est impossible de l'instruire, mais qu'il se découvre ou non, les choses ne peuvent aller que bien. Entrée de Dorante. Je viens, madame, vous demander votre protection. Je suis dans le chagrin et dans l'inquiétude. J'ai tout quitté pour avoir l'honneur d'être à vous. Je vous suis plus attaché que je ne puis le dire. On ne saurait vous servir avec plus de fidélité ni de désintéressement. Et cependant, je ne suis pas sûr de rester. Tout le monde ici m'en veut, me persécute et conspire pour me faire sortir. J'en suis consterné. Je tremble que vous ne cédiez à leur inimitié pour moi et j'en serai dans la dernière affliction. Tranquillisez-vous. Vous ne dépendez pas de ceux qui vous en veulent. Tous leurs petits complots n'aboutiront à rien. Je suis la maîtresse. Je n'ai que votre appui, madame. Il ne vous manquera pas. Mais je vous conseille une chose. Ne leur paraissez pas si alarmés. Vous leur feriez douter de votre capacité. Il leur semblerait que vous m'auriez beaucoup d'obligations de ce que je vous garde. Ils ne se tromperaient point, madame. C'est une bonté qui me pénètre de reconnaissance. Un bonheur, mais enfin, il n'est pas nécessaire qu'ils le croient. Je vous sais bon gré de votre attachement et de votre fidélité. Mais dissimulez-en une partie. C'est peut-être ce qui les indispose contre vous. Vous leur avez refusé de m'en faire accroire sur le chapitre du procès. Eh bien, conformez-vous à ce qu'ils exigent, enfin, regagnez-les par là. Je vous le permets. L'événement leur persuadera que vous les avez bien servis. Car, toute réflexion faite, je suis déterminée à épouser le comte. Déterminée, madame? Oh oui, tout à fait résolue. Le comte croira que vous y avez contribué, enfin je le lui dirai même. Et je vous garantis que vous resterez ici. Je vous le promets. Change de couleur. Quelle différence pour moi, madame? Mais non, ne vous embarrassez pas, il n'y en aura aucune. Et écrivez le billet que je vais vous dicter. Il y a là tout ce qu'il faut sur la table. Et pour qui, madame? Pour le comte, qui est sorti d'ici extrêmement inquiet. Et que je vais surprendre bien agréablement par le petit mot que vous allez lui écrire en mon nom. Eh bien, vous n'allez pas à la table? À quoi rêvez-vous? Oui, madame, oui, je... Vu tout ce qu'il fait, voyons si cela continuera. Tu dois me tromper. Êtes-vous prêt à écrire? Je ne trouve point de papier, madame. Comment vous n'en trouvez point? Il y en a là, oui, là, devant vous. Oh, il est vrai, madame, oui. Écrivez. Hâtez-vous de venir, monsieur. Votre mariage est su. Avez-vous écrit? Comment, madame? Vous n'écoutez donc pas? Votre mariage est sûr. Madame veut que je vous l'écrive et vous attend pour vous le dire. Il souffre, mais il ne dit mot. Il ne parlera pas. N'attribuez pas cette résolution à la crainte que madame pourrait avoir des suites d'un procès douteux. Je vous ai assuré que vous le gagneriez, madame. Douteux, il ne l'est point. Ah oui, mais n'importe. Achevé. Non, monsieur, je suis chargée de vous assurer de sa part que la seule justice qu'elle rend à votre mérite la détermine. Je croyais avoir entendu de dire à madame qu'elle n'avait point d'inclination pour lui. Oui, mais n'importe, achevé. Qu'elle rend à votre mérite la détermine. Je proclame à vous prendre. Vous paraissez changé. Vous trouvez-vous mal? Je ne me trouve pas bien, madame. Subitement, c'est singulier. Pliez la lettre et mettez à monsieur le comte Dorimont. Vous direz à Dubois qu'il la lui porte. Oh, le cœur me bat. Voilà qui est écrit tout de travers. Cette adresse-là n'est presque pas lisible. Vous ne serez-ce point aussi pour m'éprouver? Dubois ne m'avertit de rien. Je suis bien aise, madame, de trouver monsieur ici. Il vous confirmera tout de suite ce que j'ai à vous dire. Vous avez offert en différentes occasions de me marier, madame. Et jusqu'ici, je ne me suis pas trouvée disposée à profiter de vos bontés. Aujourd'hui, monsieur me recherche. Il vient même de refuser un parti infiniment plus riche. Et le tout pour moi. Du moins, me l'a-t-il laissé croire. Et il est à propos qu'il s'explique. Mais comme je ne veux dépendre que de vous, madame, c'est de vous aussi qu'il faut qu'il m'obtienne. Ainsi, monsieur, vous n'avez qu'à parler à madame. Si elle m'accorde à vous, vous n'aurez pas de peine à m'obtenir de moi-même. Oh, cette folle! Je suis charmée de ce qu'elle vient de m'apprendre. Vous avez fait un très bon choix, monsieur. C'est une fille aimable et d'un excellent caractère. Hélas, madame, je ne songeais point à elle. Oh, vous ne songez point à elle. Elle dit que vous l'aimez, que vous l'aviez vue avant que de venir ici. Mais c'est une erreur. Monsieur Rémy l'a acheté sans me consulter et je n'ai point osé dire le contraire dans la crainte de m'en faire une ennemie auprès de vous. Il en est de même de ce riche parti qu'elle croit que je refuse à cause d'elle et je n'ai nulle part à tout cela. Je suis hors d'état de donner mon cœur à personne. Je l'ai perdu pour jamais, et la plus brillante de toutes les fortunes ne me tenterait pas. Vous avez tort. Il fallait désabuser ma fille. Elle vous aurait peut-être empêché de me recevoir, madame. Et mon indifférence lui en dit assez. Dans la situation où vous êtes, quel intérêt aviez-vous d'entrer dans ma maison et de la préférer à une autre? Je trouve plus de douceur à être chez vous, madame. Il y a de l'incompréhensible dans ce ceci. Voyez-vous souvent la personne que vous aimez? Pas souvent à mon gré, madame. Et je la verrais à tout instant que je ne croirais pas la voir assez. Il y a des expressions d'une tendresse. Est-elle fille? Enfin, a-t-elle été mariée? Madame, elle est veuve. Oh. Et ne devez-vous pas l'épouser, enfin? Elle vous aime, sans doute. Oh, hélas, madame, elle ne sait pas seulement que je l'adore. Non, excusez l'emportement du terme dont je me sers, mais je ne saurais presque parler d'elle qu'avec transport. Oh, mais je ne vous interroge que par étonnement. Elle ignore que vous l'aimez, dites-vous. Et vous lui sacrifiez votre fortune, mais voilà de l'incroyable. Comment, avec tant d'amour, avez-vous pu vous taire? On essaye de se faire aimer, ça me semble. Enfin, ça est naturel et pardonnable. Je préserve le ciel d'oser concevoir la plus légère espérance. Être aimé, moi! Non, madame. Son état est bien au-dessus du mien. Mon respect me condamne au silence et je mourrai du moins sans avoir eu le malheur de lui déplaire. Je n'imagine pas de femme qui mérite d'inspirer une passion si étonnante. Je n'en imagine pas. Elle est donc au-dessus de toute comparaison. Oh, ça, dispensez-moi de la louer, madame! Je m'égarerai en la peignant. On ne connaît rien de si bonne ni de si aimable qu'elle. Et jamais elle ne me parle ou ne me regarde que mon amour n'en augmente. Votre conduite blesse la raison. Que prétendez-vous avec cet amour pour une personne qui ne saura jamais que vous l'aimez? Enfin, cela est bien bizarre. Que prétendez-vous? Le plaisir de la voir quelquefois et d'être avec elle est tout ce que je me propose. Avec elle? Oubliez-vous que vous êtes ici? Je veux dire avec son portrait, quand je ne la vois point. Ah, son portrait, oui. Est-ce que vous l'avez fait faire? Non, madame, mais j'ai par amusement appris à peindre et je l'ai peinte moi-même. Donc je me serais privé de son portrait si je n'avais pu la voir que par le secours d'un autre. Pour le pousser à bout, montrez-moi le portrait. Ordonnez m'en dispenser, madame. Quoique mon amour soit sans espérance, je n'en vois pas moins un secret inviolable à l'objet aimé. Il m'en en est tombé un entre les mains quand on l'a apporté ici ce matin. Voyez donc si ça ne serait pas celui dont il s'agit. Non, cela ne se peut pas. Oui, en effet, la chose serait très extraordinaire. Examine. Oh, madame, songez que j'aurais perdu mille fois la vie avant de vous avouer ce que le hasard vous découvre. Mais comment pourrais-je expier? Regarde-moi, monsieur Pitié, mais je vous le pardonne. Je vous en supplie, allez, vous en donnez. Ah non, attendez, c'est Martin, je vous avise. Non, madame, je ne crois pas, je vous avise. Je vous avise, allez, laissez-moi vous mettre insupportable, allez, vous en. Oh, voilà pourtant ce que c'est que de l'avoir gardé. Laurent, t'es déclaré, madame, et qu'il n'a cessé de vous parler. Non, il m'a rien dit, j'ai rien vu la prochaine que tu m'as conté. Qu'il n'en soit plus question, elle ne t'emmène plus. Voici l'affaire dans sa crise. Ah, du bois, retirez-vous. Je ne sais qu'occuper de la conversation que je viens d'avoir avec elle. Vous, elle ne gardez pas, voulez-vous tout perdre. Il faut que tu m'éclaires. Allez dans le jardin. Dans le jardin, vous dites, mais je ne vous écoute plus. Oh, je crains plus que jamais. Le rideau tombe sur le gosse d'Amarque. Voici l'affaire dans sa crise, comme vient de nous le dire Dubois. Comment tout cela finira-t-il? Bien, n'en doutons pas. Mais comment, après avoir forcé Dorante à l'aveu de ses sentiments, Araminte réagira-t-elle quand elle apprendra que tout ceci n'était qu'un jeu pour lui forcer la main? Ce troisième acte va nous l'apprendre. Non, vous dis-je, le père d'Antoine Temps, la lettre est-elle prête? Oui, la voilà, et j'ai mis dessus rue du Figuier. Vous êtes bien assuré qu'Arlequin ne connaît pas ce quartier-là? Ah, il m'a dit que non. Lui avez-vous bien recommandé de s'adresser à Marton ou à moi pour savoir ce que c'est? Sans doute, et je lui recommanderai encore. Allez donc la lui donner, je me charge du reste auprès de Marton que je vais trouver. Ah, je t'avoue que j'hésite un peu. N'allons-nous pas trop vite avec Aramin? Dans l'agitation des mouvements où elle est, veux-tu lui donner encore l'embarras de voir subitement éclater l'aventure? Oh oui, point de quartier, il faut l'achever pendant qu'elle est étourdie. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Ne voyez-vous pas bien qu'elle triche avec moi? Qu'elle veut me faire à croire que vous ne m'y avez rien dit. Ah, je lui apprendrai à vouloir me souffler mon emploi de confident pour vous aimer en faux. Que j'ai souffert pendant ce dernier entretien. Mais puisque tu savais qu'elle voulait me faire déclarer, que ne m'en avertissais-tu par quelques signes? Oh, cela aurait été joli, ma foi. Elle ne s'en serait pas aperçue, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, votre douleur n'en a paru que plus vraie. Vous repentez-vous de l'effet qu'elle a produit? Monsieur a souffert. Mais parbleu, il me semble que cette aventure-ci mérite un peu d'inquiétude. Sais-tu bien ce qui arrivera? Qu'elle prendra son parti et qu'elle me reverra tout d'un coup. Je l'en défie, il est trop tard. L'heure du courage est passée, il faut qu'elle nous épouse. Prends-y garde. Tu vois que sa mère la fatigue. Je serais bien fâché qu'elle la laisse en repos. Elle est confuse de ce que Marton m'a surpris à ses genoux. Ah vraiment oui, des confusions, mais elle n'y est pas. Elle va en essuyer bien d'autres. C'est moi qui voyais le train que prenait la conversation et fait venir Marton une deuxième fois. Mais Araman pourtant m'a dit que je lui étais insupportable. Elle a raison. Voulez-vous qu'elle soit de bonne humeur avec un homme qu'il faut qu'elle aime en dépit d'elle? Cela est-il agréable? Vous vous emparez de son cœur, de son bien, et cette femme ne criera pas. Allez, allez, allez. Plus de raisonnement, laissez-vous conduire. Non, songe que je l'aime, et que si notre précipitation réussit mal, tu me désespères. Ah oui, je sais que vous l'aimez, et c'est à cause de cela que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en état de juger de rien? Laissez faire un homme de sang-froid. Bon. Partez, d'autant plus que voici Marton qui vient fort à propos, et je vais tâcher d'amuser en attendant de vous envoyer Arlequin. Je te cherchais. Y a-t-il pour votre service, mademoiselle? Non, tu me l'avais bien dit, Dubois. Quoi donc? Je ne me souviens plus de ce que c'est. Que cet intendant osait lever les yeux sur madame. Ah, vous voulez parler de ce regard que je m'y vis jeter sur elle? Jamais je ne l'ai oublié. Cet œillade là ne valait rien, il y avait quelque chose dedans qui n'était pas dans l'ordre. Oh, ça, Dubois, il s'agit de faire sortir cet homme-ci. Bon, pardit tant qu'on voudra, je ne m'y épargne pas. J'ai déjà dit à madame qu'on m'avait assuré qu'il n'entendait pas les affaires. Mais est-ce là tout ce que tu sais de lui? C'est de la part de madame Argante et de monsieur le comte que je te parle. Et nous avons peur que tu n'aies pas tout dit à madame ou qu'elle ne cache ce que c'est. Ne nous déguise rien, tu n'en seras pas fâché. Ma foi, je ne sais que son insuffisance dont j'ai instruit madame. Mais ne dissimule point. Moi, dissimuler? Moi, garder un secret? Vous avez bien trouvé votre homme. En fait, discrétion, je mériterais d'être femme. Je vous demande pardon de la comparaison, mais c'est pour vous mettre l'esprit en pot. Il est certain qu'il aime madame. Oui, il n'en faut point douter, je lui en ai même dit ma pensée à elle. Et qu'a-t-elle répondu? Que je n'étais qu'un sot. Elle est si prévenue. Prévenue à un point que je n'oserais le dire, Dubois. Et enfin, le diable n'y peut rien. Ni moi non plus. Car je vous entends. Tu as la mine d'en savoir plus long que moi là-dessus. Moi? Au point du tout, je vous jure. Oh, mais à propos, il vient d'appeler Arlequin pour lui donner une lettre. Si nous pouvions la saisir, peut-être en saurions-nous davantage. Une lettre, oui, dame, et ne négligeons rien. Je vais de ce pas parler à Arlequin, voir s'il est déjà parti. Vous n'irez pas loin, je crois qu'il vient. Ah, te voilà donc, mal bâti. Tenez, n'est-ce pas là une belle figure pour se moquer de la mienne? Que veux-tu, Arlequin? Ne seriez-vous pas au nord de la rue du Figuier, mademoiselle? Oui. C'est que mon camarade Cochin m'a dit de porter une lettre à quelqu'un qui est dans cette rue. Mais comme je ne la connais pas, il m'a dit que je m'en informasse à vous. Ou à cet animal-là! Et cet animal-là ne mérite pas que je lui adresse la parole, sinon pour l'injurier. J'aimerais mieux que Claudia lui t'apporter toutes les rues plutôt que d'en savoir une par le moyen d'un malotru comme lui. Prenez la lettre. Non, mademoiselle, ne lui enseignez rien. Mais elle l'interrompait donc pas, tu vois. Eh bien, veux-tu me donner ta lettre? Je vais envoyer dans ce quartier, elle sera rendue à son adresse. Ah, voilà qui est bien agréable. Vous êtes une fille de bonne amitié, mademoiselle Marton. Vous êtes bien bonne d'épargner de la peine à ce fainéant-là. Oh, ce malhonnête, tiens, va trouver le tableau pour voir comme il se moque de toi. Mais ne l'écoute pas, veux-tu me donner ta lettre? Ah, tenez, vous me rendrez un service qui me fera grand bien. Quand il y aura à traiter pour votre serviable personne, n'ayez point d'autres postillons que moi. Et elle sera rendue exactement. Ah oui, je vous recommande l'exactitude à cause de monsieur Dorant qui mérite toutes sortes de fidélité. La digne. Je suis votre serviteur éternel. La vieille. Oh, si vous le rencontrez, ne lui dites pas qu'un autre galope à ma place. Ne disons mot que j'ai vu ce que ceci contient. Eh bien, Marton, qu'avez-vous appris de Dubois? Rien que ce que vous saviez déjà, madame, et ce n'est pas assez. Dubois est un coquin qui nous trompe. Il est vrai que sa menace signifiait quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, j'attends monsieur Rémy que j'ai envoyé chercher. Et s'il ne nous défait pas de cet homme-là, ma fille saura qu'il ose l'aimer, j'y suis résolue. Nous en avons les présomptions les plus grandes. Et ne fût-ce que par bienséance, il faudra bien qu'elle le chasse. Ah, d'un autre côté, j'ai fait venir l'intendant que monsieur le comte lui proposait. Il est ici. Et je le lui présenterai aussitôt. Mais je crains que vous ne réussissiez si nous n'apprenons rien de nouveau. Mais je tiens peut-être son congé, moi qui vous parle. Voici monsieur Rémy, je n'ai pas le temps de vous en dire davantage et je vais m'éclaircir. Ah, bonjour, ma nièce, puisque enfin il faut que vous la soyez. Et où est-ce qu'on veut ici? Vous passez, monsieur, et cherchez votre nièce ailleurs. Je n'aime pas les mauvais plaisants. Voilà une petite fille bien incivile. On m'a dit de votre part de venir ici, madame. De quoi est-il donc question? C'est donc vous, monsieur le procureur. Oui, madame, je vous garantis que c'est moi-même. Et de quoi vous êtes-vous avisé, je vous prie, de nous embarrasser d'un intendant de votre façon? Et par quel hasard, madame, y trouve-t-elle à redire? C'est que nous nous serions bien passés du présent que vous nous avez fait. Quoi, madame, s'il ne vous plaît pas, vous êtes bien difficile. C'est votre neveu, dit-on? Oui, madame. Eh bien, tout votre neveu qu'il est, vous nous ferez un grand plaisir de le retirer. Ce n'est pas à vous que je l'ai donné. Non, mais c'est à nous qu'il déplaît. À moi et à monsieur le comte, que voilà, et qui doit épouser ma fille. Ah, celui-ci est nouveau, mais madame, dès qu'il n'est pas à vous, il me semble qu'il n'est pas essentiel qu'il vous plaise. On n'a pas mis dans le marché qu'il vous plairait, personne n'a songé à cela. Pourvu qu'il convienne à madame Aramin, tout doit être content, tant pis pour qu'il ne l'ait pas, qu'est-ce que ça signifie ça? Mais vous avez le ton bien rauque, monsieur Rémy. Ah, vos compliments ne sont point propres à l'adoucir, madame Argan. Doucement, monsieur le procureur, doucement. Il me paraît que vous avez tort. Ah, comme vous voudrez, monsieur le comte, comme vous voudrez. Ça ne vous regarde pas. Vous savez que je n'ai pas l'honneur de vous connaître, nous n'avons que faire ensemble pas la moindre chose. Que vous me connaissiez ou non, il n'est pas si peu essentiel que vous le dites que votre neveu plaise à madame. Elle n'est pas étrangère dans la maison. Ah, parfaitement étrangère pour cette affaire-ci, monsieur. On ne peut pas plus étrangère. Au surplus, Dorant est un homme d'honneur connu pour tel, dont j'ai répondu, dont je répondrai toujours, et dont madame parle ici d'une manière choquante. Votre Dorant est un impertinent. Oh, bagatelle, ce mot-là ne signifie rien dans votre bouche. Dans ma bouche? Mais à qui parle donc ce petit praticien, monsieur le comte? Est-ce que vous ne lui imposerez pas silence? Comment non, m'imposer silence à moi, procureur? Mais savez-vous bien qu'il y a 50 ans que je parle, madame Argan? Il y a donc 50 ans, vous ne savez ce que vous dites? Qu'y a-t-il? Vous direz que vous vous querellez. Nous ne sommes pas fort en paix. Et vous arrivez très à propos, madame. Il s'agit de Dorant. Avez-vous sujet de vous plaindre de lui? Lui, oh non, pas que je sache. J'ai vous aperçu qu'il est manqué de probité. Non, je le connais pour un homme très estimable. Au discours que madame en tient, ça doit pourtant être un fripon. Donc il faut que je vous délivre. C'est un impertinent. Qui déplaît à madame, qui déplaît à monsieur, qui parle en qualité d'époux futur, et à cause que je le défends, on veut me persuader que je radote. Oh, on se jette là dans de grands excès, je n'y ai point de part, monsieur. Je suis bien éloignée de vous traiter si mal. À l'égard de Dorant, la meilleure justification qu'il y ait pour lui, c'est que je le garde. Mais je venais ici pour savoir une chose, monsieur le comte. Il y a là-bas, m'a-t-on dit, un homme d'affaires que vous avez amené pour moi. On se trompe, apparemment. Madame, il est vrai qu'il est venu avec moi, mais c'est madame Argan. Attendez, je vais répondre. Oui, ma fille, c'est moi qui ai prié monsieur de le faire venir pour remplacer celui que vous avez, que vous allez mettre dehors. Je suis sûre de mon fait. J'ai laissé dire votre procureur au reste, mais il amplifie. Courage! Hé, vous avez assez parlé! Je n'ai point dit que son neveu fût un fripon. Il ne serait pas impossible qu'il le fût, je n'en serais pas étonnée. Mauvaise parenthèse, avec votre permission, supposition injurieuse est tout à fait hors d'ordre. Honnête homme, soit. Du moins, n'a-t-on pas encore de preuve du contraire, et je veux croire qu'il l'est. Mais pour un impertinent, et très impertinent, j'ai dit qu'il en était un, et j'ai raison. Vous dites que vous le garderez, vous n'en ferez rien. Il restera, je vous assure. Mais point du tout, vous ne sauriez. Seriez-vous d'humeur à garder un intendant qui vous aime? Oh. Et à qui voulez-vous donc qu'il s'attache? À vous? Non. Qui n'a pas d'affaire. Mais en effet, pourquoi faut-il que mon intendant me haïsse? Oh non, pas du qui vote. Quand je dis qu'il vous aime, J'entends qu'il est amoureux de vous, en bon français. Qu'il est ce qu'on appelle amoureux. Il soupire pour vous, que vous êtes l'objet secret de sa tendresse. L'objet secret de sa tendresse, oh oui, très secret, je pense. Je ne me savais pas si dangereuse à voir. Mais dès que vous devinez de pareils secrets, que devinez-vous que tous mes gens sont comme lui? Ah, peut-être qu'il m'aime aussi, que sait-on. Monsieur Rémy, vous qui le voyez assez souvent, j'ai envie de deviner que vous m'aimez aussi. Ma foi, madame, à l'âge de mon neveu, je ne m'en tirerai pas mieux qu'on dit qu'il s'en tire. Ceci n'est point matière à plaisanterie, ma fille. Il n'est pas question de votre monsieur Rémy. Laissons là ce bonhomme et traitons la chose un peu sérieusement. Vos gens ne vous font pas peindre. Vos gens ne se mettent point à contempler vos portraits. Vos gens n'ont point l'air galant, la mine doucereuse. J'ai laissé passer le bonhomme à cause de vous, au moins. Mais le bonhomme est quelquefois brutal. En vérité, ma mère, vous seriez la première à vous moquer de moi, c'est ce que vous me dites, mais c'est la moindre impression. Enfin, est-ce qu'on ne peut me voir sans m'aimer? Il faut m'y accoutumer, prendre mon parti là-dessus. Vous lui trouvez l'air galant, dites-vous, je n'y avais pas pris garde. Et je ne lui en ferai pas de reproche. Il y aurait de la bizarrerie à se fâcher de ce qu'il est bien fait. D'ailleurs, je suis comme tout le monde. J'aime assez les gens de bonne mine. Je vous demande pardon, madame, si je vous interromps, mais j'ai lieu de présumer que mes services ne vous sont plus agréables. Et dans la conjoncture présente, il est naturel que je sache mon sort. Mon sort, le sort d'André Trondon, que cela est beau. Et pourquoi n'aurait-il pas son sort? Oh, voilà des emportements qui m'appartiennent. Quelle est cette conjoncture, monsieur, et le motif de votre inquiétude? Vous le savez, madame, il y a quelqu'un ici que vous avez envoyé chercher pour occuper ma place. Déshabillez-vous. Ce quelqu'un-là est fort mal conseillé. Tout a contribué à me tromper. D'autant plus que Mademoiselle Marton m'a assuré que dans une heure, je ne serai plus ici. Marton, vous êtes venu à force au discours. Le terme est encore trop long. Il devrait en sortir tout à l'heure. Allez, Dorange. Et tenez-vous en repos. Fussiez-vous l'homme du monde qui me convainc le moins, vous resteriez. Dans cette occasion-ci, c'est à moi-même que je dois ça. Je me sens offensé du procédé qu'on a avec moi. Et je vais faire dire à cet homme d'affaires qu'il sortit. Que ceux qui l'ont amené sans me consulter le remènent et qu'il n'en soit plus question. Ne vous pressez pas de le renvoyer, madame. Voici une lettre de recommandation pour lui, et c'est monsieur Dorande qui l'a écrite. Un moment, madame, ça mérite d'être écouté. La lettre est de monsieur, vous dis-je. Le comte décachète lui-même la lettre. Je vous conjure, mon cher ami, d'être demain sur les 9h du matin chez vous. J'ai bien des choses à vous dire. Je crois que je vais sortir de chez la dame que vous savez. Elle ne peut plus ignorer la malheureuse passion que j'ai prise pour elle et dont je ne guérirai jamais. De la passion, vous entendez, ma fille? Un misérable ouvrier que je n'attendais pas est venu ici pour m'apporter la boîte de ce portrait que j'ai fait d'elle. C'est-à-dire que le personnage sait peindre. J'étais absent, il l'a laissé à une fille de la maison. Fille de la maison, ça vous regarde. On a soupçonné que ce portrait m'appartenait. Ainsi, je pense qu'on va tout découvrir. Et qu'avec le chagrin d'être renvoyé et de perdre le plaisir de voir tous les jours celle que j'adore... Ah, que j'adore, que j'adore. J'aurai encore celui d'être méprisé d'elle. Ah, je crois qu'il n'a pas mal deviné celui-là, ma fille. Non pas à cause de la médiocrité de ma fortune, sorte de mépris dont je n'oserais la croire capable. Pourquoi donc? Mais seulement du peu que je vaux auprès d'elle, tout honoré que je suis de l'estime de tant d'honnêtes gens. Et en vertu de quoi l'estime-t-il tant? Auquel cas je n'ai plus que faire à Paris. Vous êtes à la veille de vous embarquer? Et je suis déterminé à vous suivre. Bon voyage au galant. Le beau motif d'embarquement. Eh bien, en avez-vous le cœur net, ma fille? L'éclaircissement m'en paraît complet. Quoi? Cette lettre n'est pas d'une écriture contrefaite? Vous ne la niez point? Madame. Retirez-vous. Eh ben quoi, c'est de l'amour qu'il a. C'est pas d'aujourd'hui que les belles personnes en donnent. Et tel que vous voyez, il n'en a pas pris pour toutes celles qui auraient bien voulu lui en donner. Cet amour-là lui coûte 15 000 livres de rente. Sans compter les mères qu'il veut courir, voilà le mal. Car au reste, s'il était riche, le personnage en vaudra bien le nôtre. Il pourrait bien dire qu'il adore. Et ça ne serait pas si ridicule. Et tu... Accommodez-vous, reste. Je suis votre serviteur. Pour monter l'intendant que monsieur le comte a amené, oh, madame. Non, non, je parlais que d'intendant, laissez-moi. Vous prenez mal votre temps pour faire des questions. Elle a raison, ma fille. C'est monsieur le comte qui vous en répond. Oui, je et ça cause qu'il vient de ma part, madame? Oh, monsieur, vous êtes le maître d'interpréter, mais je n'en veux pas. Vous vous expliquez là-dessus d'un air de vivacité qui m'étonne. Mais en effet, ma fille, on ne vous reconnaît point. Qu'est-ce qui vous fâche? J'ai mal pris, il y a dans tout ceci des façons si désagréables, des moyens si offensants que tout m'en choque. vous en prends plein. Quoique je n'ai aucune part à ce qui vient de se passer, madame, je ne vois que trop que je ne suis pas exempt de votre mauvaise humeur. Et je serais fâché d'y contribuer davantage par ma présence. Monsieur, je suis... Ma fille, je reviens, monsieur le comte. Vous allez venir nous trouver, apparemment. Mais vous n'y songez pas, apparemment, on sait que penser. Entends, madame, ce que je vois, vous en voilà délivré. Ils deviennent tout ce qu'il voudra. À présent, tout le monde a été témoin de sa folie et vous n'avez plus rien à craindre de sa douleur. Il ne dit mot. Au reste, je viens seulement de le rencontrer qui traversait la galerie pour aller chez lui. Ha ! Vous auriez trop ri de le voir soupirer. M'a pourtant fait pitié, je l'ai vu si défait, si pâle et si triste, que j'ai eu peur qu'il ne se trouve à mal. Quoi ? Mais quelqu'un a fait suivi, enfin que nous le secouriez-vous ? Faut-il tuer cet homme ? J'y ai pourvu, madame, j'ai fait appeler Arlequin qui ne le quittera pas. Oh, je crois d'ailleurs qu'il n'arrivera plus rien, voilà qui est fini. Non, je ne venais que pour vous dire une chose, c'est que je pense qu'il demandera à vous parler. Et je ne conseille pas à madame de le voir davantage, ce n'est pas la peine. Oui, ne vous embarrassez pas, ce sont mes affaires. Et en un mot, vous en êtes quitte. Et cela par le moyen de cette lettre qu'on vous a lue et que mademoiselle Marton a tirée d'Arlequin, par mon avis. Je me suis douté qu'elle pourrait vous être utile, et c'est une excellente idée que j'ai eue là. N'est-ce pas, madame ? Quoi ? C'est à vous que j'ai l'obligation de la scène qui vient de se passer ? Oui, madame. Méchant balai, ne vous présentez plus devant moi. Merci, madame, j'ai cru bien faire. Malheureux ! Il fallait m'obéir, je vous avais dit de ne plus vous en mêler. Vous m'avez jeté dans tous les désagréments que je voulais éviter. C'est vous qui avez répandu tous les soupçons qu'on a eus sur son compte. Et ce n'est pas par amitié que vous m'avez appris qu'il m'aimait. Ce n'est que par le plaisir de faire du mal. Il m'importait peu d'en être instruite. C'est un amour que je n'aurais jamais su. Je le trouve bien malheureux d'avoir eu affaire à vous, lui. Lui qui a été votre maître, enfin, qui vous a bien traité, qui vous affectionnait, qui vient tout récemment encore de vous prier à genoux, de lui garder le silence. Vous l'assassinez et vous me trahissez moi-même. Ah, il faut vraiment que vous soyez capable de tout, que je ne vous vois jamais, jamais, pas de répit. Allons, voilà qui est parfait. Sortez de l'un, entrez maintenant de Marton. La manière dont vous m'avez renvoyé il n'y a qu'un moment me montre que je vous suis désagréable, madame. Et je crois vous faire plaisir en vous demandant mon congé. Donne. Votre intention est-elle que je me retire dès aujourd'hui, madame ? Vous voudrez. Cette aventure-ci est bien triste pour moi. Oh, point d'explication, s'il vous plaît. Je suis au désespoir. Vous êtes-vous fâchée de vous en aller ? Bien, restez, mademoiselle, restez, j'y consens, mais finissons. Mais après tous les bienfaits que vous avez eus pour moi, madame, que ferais-je auprès de vous maintenant que je vous suis suspecte et que j'ai perdu toute votre confiance ? Que voulez-vous que je vous confie ? Inventerai-je des secrets pour vous les dire ? Il est pourtant vrai que vous m'envoyez. D'où me vient ma disgrâce ? C'est dans votre imagination. Vous me demandez votre congé, je vous le donne. Oh, madame, pourquoi m'avez-vous exposé au malheur de vous déplaire ? Je l'ai persécuté par ignorance. L'homme du monde, le plus aimable, qui vous aime, plus qu'on n'a jamais aimé. Là. Et à qui je n'ai rien approché, car il vient de me parler. J'étais son ennemi et je ne la suis plus. Il m'a tout dit. Il ne m'avait jamais vue. C'est monsieur Rémy qui m'a trompée. Et j'excuse de rentrer. À la bonne heure. Oh, madame ! Pourquoi m'avez-vous abandonné au hasard d'aimer un homme qui n'est pas fait pour moi, qui est digne de vous et que j'ai jeté dans une douleur ? Non, je suis pénétrée ! Je l'aimais donc, Marton. Laissons là mes sentiments, madame. Rendez-moi votre amitié comme je l'avais, et je serai contente. Mais je te la rends tout entière. Me voilà consolée. Non, Marton, tu ne l'es pas encore. Tu pleures. Tu m'attendris. N'y prenez point garde. Rien ne m'est si cher que vous. Va, je prétends bien te faire oublier tous tes chagrins. Je pense que voici Arlequin. Que veux-tu donc ? Oh, j'aurais bien de la peine à vous le dire, car je suis dans une détresse qui me coupe entièrement la parole. À cause de la trahison que mademoiselle Marton m'a faite. Oh, quelle ingrate perfidie ! On laisse là ta perfidie et nous dis ce que tu veux. Oh, cette pauvre lettre, quelle escroquerie! Mais dis donc! Monsieur Dorand vous demande à genoux qu'il vienne ici vous rendre compte des paperasses qu'il a eues dans les mains depuis qu'il est ici. Il m'attend à la porte. Où il pleure. Dis-lui de venir. Que voulez-vous, madame, quand je ne me fie point à elle? Quand on m'a affronté une fois, je ne reviens point. Parlez-lui, madame. Je vous laisse. Vous répondez point, madame. Il peut venir. Arlequin fait de grands signes. Dorante fait son entrée. Approchez, Dorande. Je n'ose presque paraître devant vous. Non, je n'ai guère plus d'assurance que lui. Pourquoi vouloir me rendre compte de mes papiers? Je m'en fie bien à vous. Ce n'est pas là-dessus que j'aurai à me plaindre. J'ai autre chose à dire, madame, mais... Je suis si interdit, si tremblant que je ne saurais pas avec. Oh, que je crains la fin de tout ceci. Un de vos fermiers est venu tantôt, madame. Un de mes fermiers, oui, ça se peut. Oui, madame, il est venu. Oui, je n'en doute pas. Et j'ai de l'argent à vous remettre. De l'argent, bon, eh bien, nous verrons. Quand il plaira à madame de le recevoir. Je le recevrai et vous me le donnerez, alors je le... Oh, je ne sais plus du tout ce que je lui réponds. Ne serait-il pas temps, madame, de vous l'apporter ce soir ou... Demain? Demain, dites-vous, mais comment vous gardez jusque-là, après ce qui est arrivé? Mais de tout le temps, on m'a dit que je vais passer loin de vous, je n'aurai que ce seul jour qui m'en serait précieux. Non, il n'y a pas moyen, il faut se quitter. On sait que vous m'aimez et on croirait que je n'en suis pas fâchée. Hélas, madame, que je vais être après. Oh, allez, Dorante. Chacun a son chagrin. J'ai tout perdu. J'avais un portrait. Je ne l'ai plus. Quoi vous sert de l'avoir? Vous savez peindre. Oh, je ne pourrais longtemps m'en dédommager. Et puis d'ailleurs, celui-ci m'aurait été bien cher. Il a été entre vos mains, madame. Ah non, vous n'êtes pas raisonnable. Mais demain, je serai éloigné de vous, vous serez assez vengé. N'ajoutez rien à ma douleur. Je vais vous donner mon portrait, mais... Songez-vous que ce serait avoué que je vous aime. Que vous m'aimez, mais quelle idée, madame, qui pourrait se l'imaginer? Voilà pourtant ce qui m'arrive. Ah! Ah, je me meurs! Je ne sais plus où je suis. Oh, Dorante, modérez votre joie. Je ne la mérite pas, madame, cette joie me transporte, je ne la mérite pas, vous allez me l'ôter, mais n'importe. Il faut que vous soyez instruite. Oh, que voulez-vous dire? Dans tout ce qui s'est passé chez vous, madame, il n'y a de vrai que ma passion, qui est infinie, et que le portrait que j'ai fait. Tous les incidents qui sont arrivés partent de l'industrie d'un domestique qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui, par le charme de l'espérance, du plaisir de vous voir, m'a, pour ainsi dire, forcé de consentir à son stratagème. Il voulait me faire valoir auprès de vous. Voilà ce que mon respect, mon amour et mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. J'aime mieux regretter votre tendresse que de la devoir à l'artifice qui me l'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé ce que j'adore. Si j'apprenais cela d'un autre que de vous, je vous haïrais sans doute. Mais l'aveu que vous m'en faites vous-même, dans un moment comme celui-ci, change tout. Ce trait de sincérité me charme. Me paraît incroyable. Vous êtes le plus honnête homme du monde. Après tout, puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est pas blâmable. Il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire. Et on doit lui pardonner lorsqu'il a réussi. Quoi ? La charmante Aramène daigne me justifier. Ma mère avec le comte, mais dites-moi, laissez-moi parler. Quoi, le voilà encore? Oui, ma mère. Monsieur le comte, il était question de mariage entre vous et moi. Il n'y faut plus songer. Méritez que l'on vous aime, mon cœur n'est pas en état de vous rendre justice. Et je ne suis pas d'un rang qui vous convienne. Quoi donc que signifie ce discours? Je vous entends, madame. Et sans l'avoir dit à madame Argante, je songeais à me retirer. J'ai deviné tout. Dorante n'est venu chez vous qu'à cause qu'il vous aimait. Il vous a plu, vous voulez lui faire sa fortune. Voilà tout ce que vous alliez dire. Je n'ai rien à ajouter. La fortune à cet homme-là! Il n'y a plus que notre discussion que nous réglerons à l'amiable. J'ai dit que je ne plaiderai point et je tiendrai parole. Oh, vous êtes bien généreux. Envoyez seulement quelqu'un qui en décide et ce sera... Oh, la belle chute! Oh, ce maudit intendant! À qu'il soit votre mari, tant qu'il vous plaira, mais il ne sera jamais mon gendre. Laissons passer sa colère et finissons. Ouf, ma gloire macabre, et je mériterais bien d'appeler cette femme-là ma bru. Nous nous soucions bien de ton tableau à présent. L'original nous en fournira bien d'autres copies. Et le rideau tombe sur la fin des fausses confidences. Un joli moment d'art applaudi à tout rompre par les spectateurs. Mesdames, Messieurs, le service des émissions extérieures de la Radiodiffusion française vient de vous présenter depuis le Théâtre Marigny à Paris les fausses confidences de Marivaux. Nous vous en rappelons la distribution. Araminte, Madeleine Renaud, Dorante, Jean de Sailly, M. Rémy, André Bruneau, Mme Argante, Marc Régnier, Arlequin, Jean-Pierre Grandval, Dubois, Jean-Louis Barrault, Marton, Simone Valère, Lecomte, Régis Outrin, un domestique, Arsène Drancourt et un garçon joaillier, Gabriel Catan. Nous vous remettons en communication avec nos studios.